Bonsoir à tous, bienvenue pour un décryptage de l'actualité en direct. Vous êtes bien sûr libérés sur parole. Ce soir, on est avec Maurice Gendre. Bonsoir, alors bonsoir Maurice. Bah Maurice, sorte pas. On te présente plus, tu es enfin, sur l'ancien Meta TV, aujourd'hui patriote.info. Mais bon, je trois fois je crois. Voilà, tu es trois fois, trois fois je crois. Hein, déjà, on avait fait des spécial, revues de presse, spécial États-Unis. Un spécial États-Unis à l'époque qui avait fait couler beaucoup d'encre, hein, je te dis, il y a eu pas mal de réactions d'ailleurs parce que beaucoup de gens ont dit oui, vous êtes trop Trump, vous avez Oui, j'ai un vague souvenir des commentaires sous les vidéos. Ouais, voilà, il y avait voilà, j'allume le logo. Le logo. Il y avait il y a eu pas mal de commentaires. Bon bah en tout cas, alors je précise pour ceux qui nous regardent, c'est sur la chaîne YouTube Tepa TV International. Donc c'est, vous tapez ça dans YouTube et de toute façon vous tombez sur la chaîne. Et ça c'est pour les lives. Et pour les questions, c'est sur le Discord, la caserne de Tepa, dans le chat salon soldat pour le moment. Ben voilà, donc ce seront les privilégiés qui mettront dans le chat. Et on prendra les questions du chat. Il va falloir vous habituer à aller sur le Discord pour pouvoir poser les questions. Il n'y aura pas le retour du chat, malheureusement. C'est pas le retour du roi. Voilà, non, je le dis parce qu'il y en a qui attendent encore. Et ils peuvent attendre longtemps. Alors, l'actualité, elle a été très riche. On va dire, ces derniers temps, ben, comme d'habitude, on se régale de plus en plus, mais il y a eu des affaires qui ont secoué, on va dire, tout notre petit microcosme, mais même au-delà, parce qu'il y a eu des fractures terribles. Ben, on a vu une passe d'armes, on y reviendra peut-être, la passe d'armes entre Bernard de la Villardière et... Et Rokhaya Diallo, et Gilles Verdez aussi, c'est un peu oui, avec oui, les... c'est vrai. Bien symbolique. Et celle-là, cette passe d'armes, elle intervient dans un contexte où il y a eu cette fameuse affaire Menel. Alors, moi, j'ai donné mon opinion, autant de dire que tout le monde n'était pas très content. C'est forcément, hein, les gens sont pas très contents quand tu n'es pas d'accord avec eux. Alors, cette affaire Menel, on va revenir le cadre de l'affaire, c'est une candidate qui se présente dans une émission... Pour un télécrochet. Télécrochet, voilà, très connue, voilà, on va pas faire de pub, bon, elle se présente. Il se trouve que ça marche plutôt bien, enfin, ça plaît au public. Et puis, patatras, on va déterrer, parce que c'est ça aujourd'hui quand même, l'Internet, on va déterrer tous tes posts et tout ce que t'as machin, etc., toutes les saloperies que t'as pu poster. Et puis, on découvre là, quand même, quelques perles, de quoi définir un profil, des choix idéologiques quand même, parce que ça, non, parce que c'est, il y en a qui veulent pas, ils concentrent sur deux tweets, mais il n'y a pas eu deux tweets. Il y a eu un ensemble. Donc, ensemble. Sur l'ensemble, on peut constater quand même qu'il y avait des choix idéologiques. Et puis là, voilà, on va dire réaction. En fait, il y a plusieurs enseignements, moi je trouve, à tirer de cette histoire. En gros, les tweets qui lui ont coûté son éviction, qui lui ont coûté son renvoi de l'émission, c'est ceux où elle remettait en doute la version officielle de la tragédie de Nice, de l'attentat de Nice. Oui. Donc ça prouve déjà une chose, c'est qu'il y a une vérité officielle, visiblement incontestable. Et si on la conteste, bah, en gros, on risque une mort sociale. Je trouve que Vincent Lapierre a fait une excellente vidéo là-dessus, puisqu'il s'est concentré sur ce point précis. à savoir la défense de la libre expression. Maintenant, je suis en désaccord avec ER sur le reste de leur position par rapport à cette affaire. En gros, ils se désolent qu'elle ait été renvoyée, puisque selon eux, elle a été renvoyée parce qu'elle est musulmane. Ouais. On a l'inverse chez Riposte Laïque, eux s'en réjouissent pour la même raison. Je pense que les deux passent à côté, en fait, à mon avis. Certes, elle est musulmane, mais je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui surplombe ça, en fait, dans cette affaire. C'est-à-dire que, comme on le disait, elle participe à un télécrochet. Sur la chaîne de télévision, qui est quand même la plus vulgaire et qui a quand même participé à l'abrutissement des masses très largement ces 20 ou 30 dernières années, qui est peut-être la pire chaîne du PAF, bon, si on fait exception des deux hors concours, C8 et NRJ 12, bon là, c'est la fausse sceptique, mais bon, une émission de télécrochet dont le titre est en anglais, c'est même pas en français, donc bon, un anglicisme, et elle interprète quoi? Une chanson de Leonard Cohen, Alléluia. Donc un coup, je crois, en anglais, puis ensuite en arabe, en modifiant une strophe, apparemment, d'après ce que tu m'expliquais, ce que j'ignorais. Deuxième couplet avec modifiant. Ce que j'ignorais. Donc qui raconte, en plus, d'après ce que tu me disais, c'est un apostat qui revient à la religion. Voilà, bon. Donc effectivement, c'est une musulmane. Elle appartient même, je pense, à un mouvement, enfin une nébuleuse, on va dire une nébuleuse, donc qui va du CCIF à Baraka City, et l'avantage de ces gens-là, c'est qu'ils ne cachent pas leur projet. Ils veulent l'islamisation de la société française. Il suffit d'écouter lire Marwan Mohamed, c'est très clair. Hein. Ah ouais, ben, c'est pas clair pour tout le monde, hein, figure-toi. Ouais. Dans ma vidéo, je l'ai dit, on m'a dit, ah non, Baraka City, c'est des gens très bien. J'invite à aller voir les déclarations de Marwan Mohamed du CCIF, et sur son grand rêve, hein, je crois d'ailleurs que c'est l'expression qu'il emploie, son grand rêve de voir la France devenir terre d'islam. Voilà. Mais j'ai l'impression que même au-delà du fait, au-delà de la musulmane, il y a autre chose. Il y a autre chose derrière ça. Elle est, comme je le disais, une participante à un télécrochet dans une émission qui, on va dire, qui ne brille pas par l'apport culturel qu'on pourrait espérer de la première chaîne de France, quoi. Dans une émission dont le titre est en anglais, elle chante du Leonard Cohen, qui est un excellent artiste, hein, je ne reviens pas là-dessus, en anglais puis en arabe. En fait, est-ce que au-delà de la musulmane, c'est pas le pur produit du cosmopolitisme, cette jeune femme? Et ce qui a fini de me convaincre, c'est que c'était certainement ça, c'est la défense d'Askolovitch dans Slate, Slut, pour les intimes. Je ne suis pas certain que ça soit la musulmane qui l'ait défendue. J'ai un petit doute. Je suis beaucoup plus persuadé qu'il a défendu celle qui assure la promotion du cosmopolitisme postmoderne. Mais en plus, c'était voulu quand même par TF1, parce que quand ils ont choisi cette candidate, c'est pas... Évidemment, on choisit plutôt une jolie jeune femme, voilà. Très agréable à regarder, un voile plus ou moins discret, on sait pas trop ce que c'est, un turban, avec sa guitare, donc en gros, qui nous fait la chanteuse folk, la guitare et la voix, quoi. Et en fait, moi, je pense que c'est surtout ça, en fait, qui surplombe la musulmane, c'est la cosmopolite. Elle est à l'image de ce que la plutocratie et l'oligarchie veut promouvoir aujourd'hui. C'est-à-dire, alors pour employer cette expression qui ne veut absolument rien dire, mais la citoyenne du monde. Et c'est une synthèse. En fait, cette jeune femme, c'est une synthèse. C'est la synthèse de la citoyenne du monde. Et en fait, ça, par contre, c'est ce qu'il voulait mettre en avant. Mais il y a eu un bug. C'est ces deux tweets. Ah oui, et puis par contre... Visiblement, ça ne dérangeait pas non plus quand elle laissait un tweet où elle disait « J'en ai marre, ce pays de merde ». Oui, j'en ai marre, ce pays de merde, je vais me casser. Voilà, donc c'est-à-dire que la francophobie, c'est bon, il n'y a pas de problème, hein. La génération dit que la France, on peut y aller. Par contre, remettre en doute la version officielle de la tragédie de Nice, ça par contre, ça ne peut pas passer. Vous voyez, donc, on a donc une atteinte à la libre expression, à la liberté d'expression avec l'éviction de cette nanette. On avait une volonté au départ de promouvoir le cosmopolitisme, mais il y a eu un bug dans la matrice, c'est les deux tweets concernant Nice. Et elle a été uniquement virée pour ça. C'est pour ces deux tweets-là. Et pas pour ses engagements. Pas pour ses engagements. Et d'ailleurs, ses défenseurs, ils refusent de voir ça. Qu'ils refusent de voir, c'est ce que j'ai compris avec les réactions qu'il y a eu sous tes vidéos. Ouais. Mais j'ai envie de leur dire aux internautes, il faut voir l'ensemble du problème. C'est-à-dire qu'il y a une chaîne de télévision qui décide de promouvoir le cosmopolitisme à travers cette jeune femme. Certaines personnes qui sont derrière cette jeune femme dans sa vie de tous les jours, qui appartiennent à une nébuleuse, qui a pour projet, qui a une volonté d'islamiser la France. Et il y a un troisième point, une atteinte à la liberté d'expression, puisqu'on renvoie cette jeune femme, pas pour ses déclarations francophobes, mais pour sa contestation de la version officielle de l'attentat de Nice, le 14 juillet 2016. Donc en fait, il y a trois éléments dans la même affaire. Et je crois que finalement, le fait qu'elle soit musulmane n'est qu'un élément parmi tout ça. C'est effectivement un élément très important, mais il n'est pas unique. Et je pense qu'en bout de chaîne, le plus important reste quand même plutôt le cosmopolitisme de cette nénette. Oui, c'était ça l'intention de TF1. Voilà, l'intention de TF1 était celle-là. C'est-à-dire le grand brassage, la grande partouze générale. Hein, on va appeler les choses. On va dire que, quelque part, elle a presque une figure de la musulmane acceptable pour oui, la télé, c'est ça, avec oui, c'est ça. Petit voile, jolie, très comme jolie, je disais, jolie jeune femme, des beaux avec yeux, des beaux assez maquillée, voilà. Presque européenne. Non, mais, ça a été évidemment choisi. C'était tout sauf fortuit. Oui. C'était tout sauf fortuit. Donc, en fait, il faut vraiment remettre, je pense, l'ensemble de cette situation, enfin de cette affaire, dans sa globalité. Et pour ce qui est de la contestation des attentats de Nice. Bon, évidemment, Drahi TV, JNews et compagnie nous expliquaient, c'est ça le plus scandaleux. Mais j'ai envie de dire à ces personnes-là, sans même s'attarder sur tout ce qui s'est passé depuis le 11 septembre 2001, où effectivement, dans la réinfosphère, on a très largement travaillé sur les thèses alternatives. Mais maintenant, au sein même des médias dominants, du fake-stream média, comme disent certains maintenant, les attentats sous faux drapeau, les réseaux Stay Behind, le Gladio, tout ça c'est reconnu désormais. Depuis le début des années 90, quand André Oti avait, en gros, expliquer l'ampleur de ce phénomène, de ces réseaux Stay Behind, des réseaux Gladio, des attentats sous faux drapeau, on sait que ça existe. Et même, de temps en temps, sur certaines grandes chaînes, on parle de ce genre de choses. Donc, on a envie de leur demander, si ça a déjà eu lieu, pourquoi ça n'aurait pas lieu aujourd'hui? Attention, moi, contrairement à d'autres, je vais pas du tout dire qu'il n'y a pas de musulmans et d'islamistes qui commettent des attentats. Hein. Pas du tout. On n'entendra jamais dire ça. Je pense qu'il y a des commanditaires et des exécutants. Les exécutants sont, à mon avis, parfaitement ce qu'on dénonce, y compris dans les médias dominants. Pour les commanditaires, je suis beaucoup plus dubitatif. Et le fait que certains soient manipulés ne les excuse pas, hein, dans mon esprit. D'ailleurs, est manipulé celui qui est manipulable. Ouais. Aussi, ouais. Voilà. Donc, en fait, voilà. C'était très intéressant sur ce que ça traduit des fractures françaises. Des crispations identitaires extrêmement fortes aujourd'hui, on a dans le pays, et on va dire l'émiettement et l'éclatement communautaire du pays. Quoi. Complètement, c'est très clair. Complètement. C'est très très clair. Les médias, ils se refusent de tirer, parce que c'est ça la grande leçon. De tirer les conclusions de cette affaire. De cette affaire. Au-delà de tout ce qu'on va nous dire sur. Ils ont résumé ça à le complotisme de Ménel Iptissem. Ouais. Mais c'est juste la partie visible de l'iceberg. Voilà. Et vraiment. Et d'ailleurs, qui ne choque absolument pas des gens comme nous. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce que j'explique. Je ne peux pas être choqué par ça. Ça n'a rien à voir. Mais bien sûr. Justement, cette corde identitaire qui a été remuée dans l'affaire Iptissem, elle démontre qu'il y a des fractures, des camps qui sont en train de se faire. Quoi. Tout à fait. Des camps idéologiques. Et puis alors, on voit bien que. Les réseaux sionistes ont fait des petits. Je veux dire, la logique tribale, elle n'est pas que chez les sionistes. Hein. Oui, oui. La logique ultra-communautariste. Parce que je vois beaucoup de gens dans nos milieux qui dénoncent à juste titre la solidarité tribale et confessionnelle des vendeurs de jeans à une jambe. Oui. Ah, ils ont raison, j'approuve totalement, je suis en total accord avec eux. Mais le problème, c'est que je vois exactement, en miroir, je vois exactement les mêmes réactions chez d'autres. Moi aussi. Ça, visiblement, ça n'interroge personne. Oui, ouais, alors que ça pose problème. Voilà. Alors que ça pose tout autant problème. Ouais. Parce qu'effectivement, il y a un projet, ce que certains appellent le sionisme international, qui est tout à fait visible. Il y a d'ailleurs des figures de ça. Elles sont parfaitement identifiées et identifiables. Mais il y a aussi un projet clair et net de volonté d'islamiser le continent européen, et la France en particulier. Et ça aussi. Et en plus, ce qui est très avantageux, c'est qu'aujourd'hui, certains ne se cachent pas. Aujourd'hui, des déclarations officielles, des vidéos, les mecs se filment, ils le souhaitent, ils le rêvent. Je veux dire, c'est pas comme si Erdogan, par exemple, faisait semblant de ne pas le vouloir, quoi. Quand il appelle les Turcs d'Allemagne à ne surtout pas s'assimiler, quoi. À faire plein d'enfants, à faire des enfants, à organiser le basculement démographique, enfin voilà. Donc c'est pas comme si ce genre de choses n'était pas sourcé. Et pourtant, il y en a plein qui veulent pas le voir, qui refusent absolument de voir. Pourtant, c'est là, c'est devant nous, quoi. C'est ouais. Les éléments. Alors bon, il y a différentes explications à ça. Il y a ce qu'on appelle les conflits de loyauté. Donc certains se disent, je ne vais pas remettre en cause. Les musulmans sont stigmatisés, discriminés, je ne vais pas participer à la Lali. Ah non, l'honnêteté veut que tu constates, tu dis. Voilà. T'es honnête. C'est de l'honnêteté. C'est de l'honnêteté. Tout simplement. Et en fait, de toute façon, la vérité, elle ne se trie pas, par définition. On la séquence pas, on la sectionne pas. On la prend dans sa globalité et on fait avec. Oui, c'est ça, parce que quand même, il y a. Sinon, on est un tartuffe. Ouais. Parce que justement, dans ces milieux d'opposition, dissidence, résistance, en tout cas... Alors, je ne veux plus entendre parler de ça. Voilà. Ça, je te le dis clairement. Chiacidence, voilà. La chiacidence. La dissidence, moi, j'en peux plus. Hein, c'est de l'hypocrisie, de la tartufferie. En plus, de plus en plus, on voit derrière ces déclarations de la dissidence, voilà, comme je l'appelle, en fait, un projet... de Takia qui vraiment se voit de plus en plus, et de plus en plus visible, et on est finalement dans la soumission et la reddition. Et pas dans la réconciliation. On est dans la soumission et la reddition. Donc moi, toutes ces déclarations autour de la dissidence, je ne veux plus entendre parler de ça. Ça fait déjà un moment que ça m'exaspère. Maintenant, je le dis clairement, je ne peux plus entendre parler de ça, quoi. C'est-à-dire que les turpitudes des uns ne doivent pas excuser les coups fourrés des autres. D'ailleurs, souvent, ça marche de conserve. Hein. Oui, parce que des fois, on se dit que c'est la même phase d'une même pièce. Désolé, l'autre jour, tu disais dans une vidéo « ni sionisme, ni islamisme ». Oui. D'ailleurs, quand on voit aujourd'hui les liens, ne serait-ce qu'au Proche-Orient, entre Israël et les wahhabites, d'ailleurs, certains parlent d'ailleurs d'israélo-wahhabisme, et même ici, je veux dire, il y a un certain nombre de points de convergence dans leur agenda, entre les supporters fanatiques d'Israël et leurs partisans les plus acharnés, même s'il y a des divisions aussi hein, chez eux, parce que c'est pas univoque non plus tout ça, et l'agenda des frères musulmans. Il peut y avoir des points de convergence. Parce que clairement... Contre le peuple français d'ailleurs, oui, contre la France clairement. Moi j'ai vu, j'étais assez étonné de voir une vidéo même qui a fait un peu polémique de Jacob Cohen, où... Il appelle les musulmans à se communautariser, clairement. Enfin, je crois que ça va même plus loin que ça, d'après ce que j'ai compris, c'est carrément un appel au soulèvement. Bah oui, parce qu'enfin, il leur demande d'aller manifester au soulèvement et à l'insurrection. Ouais, c'est un peu. Bon, j'avoue que j'ai trouvé. Je comprenais pas trop l'objet, quoi, l'objectif. Ou on le comprend trop bien. Ou on le comprend trop bien. Ou on le comprend trop bien. Donc, bon. Voilà, et donc, cette affaire était vraiment très intéressante de ce point de vue-là. Si tu me permets, je vais enchaîner justement avec une autre affaire qui a à la fois des ressemblances avec celle-ci, mais a beaucoup de dissemblances. C'est l'affaire Mathilde Edegamassou. Donc, qui a été choisie par le comité Jeanne Orléanais pour les fêtes joanniques, pour interpréter, alors je ne sais pas si on peut dire interpréter, mais oui, on peut dire interpréter, une des saintes patronnes de la France, la plus importante, une des grandes icônes nationales, peut-être la plus grande. Oui, tout à fait. Oui. Qui, dans le cœur des Français, d'ailleurs, a une place vraiment toute particulière. Oui, tout à fait. Oui. Et alors, en préambule, et c'est pas une précaution d'usage, hein, c'est vraiment pas une précaution oratoire, mais je tiens à dire que je n'ai vraiment absolument rien contre cette jeune femme. Et tout ce que j'ai pu en lire, même, j'aurais plutôt même de la sympathie pour elle, et je pense même qu'elle mais exemplaire à bien des égards, de ce que j'ai pu en lire. Je crois qu'elle pratique l'escrime, oui, elle fait du chant lyrique, apparemment c'est une très bonne élève, elle est trilingue, elle est catéchiste, elle est scout, je crois, catholique pratiquante. Enfin, apparemment, c'est quelqu'un qui est très actif dans sa paroisse, dans sa ville. Donc je pense que c'est vraiment quelqu'un d'exemplaire. J'ai beau considérer l'immigration extra-européenne qui a subi la France depuis les 40 dernières années comme une catastrophe absolue, je vois les qualités des individus. Et visiblement, cette jeune femme, elle n'en manque pas, quoi. Toujours est-il qu'elle a été, il ne faut pas être dupe, et qu'elle a été l'instrument d'une manip énorme. Et qui n'est peut-être même pas d'ailleurs le fait du comité Jeanne orléanais. Je pense qu'eux, ils ont été trop naïfs, voire trop innocents. Mais quand on voit, par contre, par qui ça a été récupéré, par des chiapas, par des gens de la LICRA, je parle... Alors, là, on se dit, il y a un vrai, vrai problème. Je t'ai ramené ça, parce que ça me paraissait intéressant. Il y a mon ami Arnaud Robert qui a fait un article qui s'appelle « Jeanne ou le néant ». Et il a écrit ceci, je me permets de te lire, c'est vraiment intéressant. « Je conçois aisément que l'hystérie et l'outrance de certains éléments de la fachosphère puissent en énerver plus d'un. L'hystérie est hélas pratiquement devenue le seul canal d'expression moderne, et bien sûr, l'outrance ne peut appeler le débat. Mais ce qu'il faut y voir, ce qu'il faut entendre, au-delà de la démesure des propos, c'est un cri du cœur. Le cri d'indignation d'un grand nombre de Français. Certains voudraient faire de nous des idiots, des racistes bas du front, pavloviens débiles. Ce serait tellement plus simple. Navré, mais contester cette nomination n'est pas nier l'existence de Mathilde. Contester cette nomination, c'est respecter à la fois Jeanne d'Arc et ses origines, et combattre l'idéologie mondialiste, multiculturaliste, celle du grand effacement et du grand remplacement. Non, nous ne sommes pas contre cette Mathilde dans un réflexe pavlovien débile. Si nous avons décidé d'être contre, c'est parce que nous prenons en compte la conjoncture actuelle, celle d'un grand remplacement, d'une promotion permanente de l'autre. Personne ne peut nier que depuis 50 ans, le système mène contre notre peuple, une guerre de destruction totale, une guerre culturelle et ethnique. Depuis 50 ans, la xénophilie est érigée en credo. Les enseignants procèdent dans les têtes au grand nettoyage historique, à l'éradication de la substance française. Il faut effacer nos racines, il faut oublier ce nous magnifique qui parle à travers les âges. Et je dis à mes amis catholiques, parce que alors, je ne sais pas si tu as fait attention à ça, il y a beaucoup de catholiques de la réinfosphère, des gens que j'apprécie, que je respecte, comme Charlotte Dornella, Eugénie Bastier, Lagriffe, etc., qui ont pris son parti, pour les raisons que j'évoquais en préambule. Mais à mon avis, ils sont passés à côté du sujet. Je le crois en tout cas. Donc Arnaud reprend et il écrit « Et je dis à mes amis catholiques qui défendent la Jeanne métisse d'Orléans qu'ils ont sûrement raison sur le fond religieux de leur défense, mais qu'hélas, nous n'en sommes plus là. Jeanne n'est pas catholique, n'est pas que catholique, elle est une icône nationale, elle est l'incarnation de l'esprit de résistance français. Elle symbolise et singularise ce que nous sommes en tant que peuple. Jeanne d'Arc est en ce sens symbole encore puissant de notre identité. Et même une défense sincère de ce choix sert les intérêts de l'ennemi. Il n'est que de voir Marlène Schiappa ou le président Macron voler au secours de la Jeanne métisse. Oui, il faut une identité aux choses et aux êtres. C'est le respect de cette identité dans sa composante historique, culturelle et ethnique qui permet de définir un « nous », qui permet de nous penser encore un destin et un avenir. Et comme le disait il y a quelques jours un auditeur antillais sur une grande antenne de radio, « Moi je suis noir, français et noir, je connais mon histoire. Et dans mon histoire, celle de la France, Jeanne d'Arc et Lorraine est blanche. Simple et clair, si Jeanne d'Arc devient métisse, alors on touche à la substance du symbole et c'est une autre histoire que l'on raconte. Oui, une autre histoire, mais pas l'histoire de France. » Voilà. Ça, c'est ma position, qui a été parfaitement décrite par mon ami, quoi, Arnaud Robert. Bah, je pense que, tout simplement, c'était ça, en fait. Encore une fois, sur cette affaire de cette Jeanne d'Arc, parce qu'il a raison, on a vu les réactions, comme d'habitude, presque outrées, mais parce que, tu sais, c'est presque trop facile, on le savait, enfin, c'est pour ça que les gens qui sont derrière savaient très bien qu'elle allait avoir les réactions. Qu'elle allait avoir ça, justement, et alors ça, c'est l'objet d'un autre texte, dont je vais pas le relire, parce que ça permet trop de temps, mais j'invite vraiment les internautes à aller le lire. C'est un texte de Renaud Camus, qui s'intitule, je vais vous retrouver ça, Renaud Camus, sur la Jeanne d'Arc métissée, un piège diabolique. Et il explique donc que, justement, c'était un piège qui était tendu, par ce qu'il appelle donc lui les remplacistes. Voilà, c'est ce qu'il explique dans ce bref paragraphe. « Toutes les catastrophes qui ont été infligées à notre peuple depuis un demi-siècle l'ont été par ce procédé simple et d'une efficacité sans pareille, obliger l'adversaire, s'il entend protester contre elle, à tenir l'emploi du méchant. Que personne ne souhaite assumer, évidemment. Qui veut chagriner Mademoiselle Gamassou? Qui veut jouer le rôle de l'afro-raciste? C'est à quoi tout opposant est contraint, pourtant, à moins qu'il ne se résigne à se taire et accepter le fait accompli, dès lors qu'à la jeune Mathilde échoua le rôle de Jeanne d'Arc. Or, c'est là d'évidence une étape décisive dans l'effacement du peuple français, dans l'éradication de sa mémoire, dans la suppression de tout lien charnel entre sa pauvre existence d'aujourd'hui et ses aïeux, qui sont à peu près tout ce qui lui reste. Voilà, j'invite vraiment les internautes à aller lire ces deux textes qui résument pour moi parfaitement la situation et le problème. Ouais, c'est-à-dire que c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'ils savaient qu'ils allaient provoquer ça, alors que l'interprétation même de la réaction des gens, elle est, comme tu dis, c'est plus l'indignation de vouloir remplacer le symbole que contre la jeune fille que la en jeune fille. elle-même qui a... Ah non, mais j'estime moi-même, Voilà. de ce que j'aurais pu en lire et en voir, Ouais. C'est genre même le genre de personne que je voudrais voir érigée comme modèle pour la jeunesse française. Voilà. Voilà, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Et c'est Mais pour... Jeanne d'Arc, là, on est dans une autre problématique. Et justement, je pense qu'ils ont fait exprès. Alors, je parle pas du. Je pense que le comité jeune orléanais, je suis peut-être naïf, alors je me trompe peut-être, je leur accorde peut-être trop de crédit, je suis peut-être trop indulgent. Je pense qu'ils n'ont pas pensé à mal, ils n'ont pas voulu mal faire. Par contre, ceux qui ont récupéré après, ce qui aurait dû finalement être une tempête dans un verre d'eau, on aurait dû tout de suite comprendre qu'il fallait changer les choses. Eux savaient parfaitement ce qu'ils faisaient. Et en gros, ils jetaient encore de l'huile sur le feu. Et il y avait encore une volonté, une fois de plus, d'humilier le peuple français. Parce que là, clairement, on vit un basculement dans l'histoire qui est assez incroyable. C'est qu'on revient sur tous les grands personnages historiques européens qu'on remplace par des Africains, en tout cas qu'on symbolise ou les représente par des Africains. Ce qui est un renversement absolument incroyable. Et ça se passe, produit sous nos yeux. C'est-à-dire que finalement, il n'aura pas fallu attendre 50 ans. C'est là, Maintenant. en l'espace de quelques années. Et ces initiatives-là sont de plus en plus légion dans les séries, dans les Dans les films. films, voilà, dans les symboles. Et Bah, c'était tu vois. presque inévitable qu'on arrive à une réaction comme celle-là, parce qu'on a Comme quoi, tu vois, on est vécu ça. parfaitement d'accord avec ce que dit Renaud Camus quand il dit: le défi qui nous est lancé d'ailleurs doit être considéré de façon plus large, encore philosophique, presque métaphysique. Il s'agit toujours en conformité avec les caractères fondamentaux du remplacisme global, cette haine de l'être, et selon les pulsions constantes de la modernité prométhéenne, de refuser le donné, le déjà là, l'acquis, l'irréversible, et de jeter à la face des dieux que l'homme est tout-puissant, même sur le passé. Pourquoi les géants en surpoids ne pourraient-ils être jockeys, les personnes de petite taille basketteurs, les hommes enceints, les homosexuels mariés ensemble et pères de famille, et pourquoi les blancs ne pourraient-ils incarner Mandela ou Martin Luther King, et les noirs figurer Jeanne d'Arc? Qui dit que ce doit être une femme d'ailleurs? Pourquoi ne serait-ce un garçon? Je suis sûr que les statues des fêtes joanniques n'ont même pas songé à l'exclure. Ça résume parfaitement ce que tu dis. C'est incroyable. Ouais. Donc on est quand même presque à la croisée des chemins, et on a vu que les attaques sur l'histoire, ça a été permanent depuis un Permanent. certain nombre d'années, qu'il y a eu une Bah, volonté Olivier Prétry-Grenouillot, Voilà. quand il explique qu'il y a des traites négrières, Ah, mais il s'est mis beaucoup de gens à dos avec son livre. voilà, donc en gros, la traite arabo-musulmane, la traite interafricaine et la traite transatlantique. Voilà, il dit il y a trois traites négrières. Et on a Christiane Taubira qui nous fait une loi mémorielle en disant non, non, la traite négrière, donc uniquement la traite transatlantique. Atlantique. Et qui d'ailleurs explique: oui, je n'ai pas voulu parler de la traite arabo-musulmane pour pas que les jeunes musulmans de nos cités se sentent stigmatisés, discriminés. Voilà, Par contre, pour les pas qu'il y jeunes. ait des embrouilles Par avec contre, les Noirs et les voilà, Arabes. En gros. par contre, les Ah, jeunes des embrouilles, on blancs. s'en fout. Ah, c'est pas grave, c'est des Par contre, embrouilles, tant les mieux. jeunes blancs, c'est pas grave. Donc, et on Mais. arrive. Et il y avait eu l'autre aussi, un autre livre qui avait fait du bruit, un peu moins quand même. D'ailleurs, je crois que c'était le même éditeur. Faudrait vérifier. Voilà. Mais je crois que c'était le même éditeur. C'est le livre de Sylvain Guggenheim, Aristote au Mont-Saint-Michel, où il explique qu'on a très largement exagéré l'apport des Arabes, notamment dans l'Andalous, à l'Andalous, c'est-à-dire la propagation de la pensée aristotélicienne, notamment, et de la pensée grecque, à travers l'Europe, grâce aux Arabes, à partir des conquêtes arabes. Sauf qu'en fait, c'est faux, c'est ce que Guggenheim explique. La pensée aristotélicienne et la pensée grecque a été diffusée à partir des monastères. D'où le titre Aristote au Mont-Saint-Michel. À partir des monastères, des abbayes. Et en fait, ce sont les moines copistes notamment qui ont contribué et participé à la transmission de la pensée aristotélicienne. Donc là, on remettait aussi en cause un dogme, un élément de la doxa qui consiste à dire que c'est grâce aux conquêtes arabes que la pensée grecque a été redécouverte Tout à et fait. retrouvée, ce qui est faux. C'est peut-être partiellement vrai, mais en tout cas, pas dans sa totalité. Pas dans Bien sa sûr. totalité. Ah, parce que, alors ça, parce que c'est, on a effacé les personnages aussi de l'histoire de France, c'est-à-dire on n'enseigne plus, il paraît que Louis Oui, il XIV, paraît que Henri Louis XIV IV, et Napoléon, il paraît aussi. Napoléon, voilà, on n'en parle plus. Là, il y a une vraie volonté, puis on va leur parler de royaumes, je sais pas, dans le Pacifique, de royaumes africains. Alors, il y a une vraie volonté de détruire en tout cas l'héritage Oui. culturel, tout le passé historique de la France, quoi, qui doit y Et passer. aussi, alors je vais revenir encore à un de ces deux textes, parce que vraiment ils sont fondamentaux à mes yeux. C'était celui justement, Le piège diabolique, donc de Renaud Camus. Il y a cet autre passage que je vais te retrouver tout de suite. Voilà, où il explique: tous les vertueux ont répété à l'envi toute la journée la bonne doctrine et l'article de catéchisme afférent. Être français, ça n'a jamais été une couleur de peau. Or, il faut avoir le courage de l'assumer avec 15, 20 ou 30 siècles de l'histoire de ce territoire, dès avant qu'il ne s'appelle France. Bien sûr que si, c'est une couleur de peau. Ce ne l'est pas exclusivement, bien entendu. C'est bien autre chose aussi. Ce peut aussi ne pas l'être. Il y a de nombreuses exceptions, mais elles restent des exceptions. Car ce l'est essentiellement. De Gaulle a dit là-dessus tout ce qu'il y avait à dire, comme souvent. Et sa phrase fameuse est plus que jamais d'actualité, selon laquelle c'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns, mais à condition qu'il reste une petite minorité, sinon la France ne serait plus la France. Donc c'est-à-dire qu'on refuse aujourd'hui à la France de dire qu'effectivement, elle est essentiellement un peuple blanc, historiquement. Oui, bien sûr. Et en fait, ce qu'on vit depuis 40 ans, justement, comme je viens de le dire, on ne le vit que depuis 40 ans. Mais on essaie de nous faire croire que ça date des siècles et des Un siècles. siècle. Jusqu'à la moitié du 19e siècle, la population française n'a quasiment pas changé. On a eu l'arrivée des Polonais, des Espagnols, des Italiens, j'oublie les Portugais, en gros entre la moitié du 19e et la moitié du 20e. Avec beaucoup de retours d'ailleurs. Oui, parce qu'il y a eu des Il y a remigrations, eu, de la, il y a eu, énormément il y a eu pour une les inversion des flux Polonais, pour migratoires pour les les Italiens, Italiens. il y a eu Faut beaucoup de savoir retours. qu'il y a une grosse remigration. Il y a eu beaucoup de Ouais, retours. Mais l'immigration extra-européenne à laquelle nous sommes confrontés depuis 40 ans, bah, justement, elle ne date que de 40 ans. Mais elle a complètement transformé le pays, elle a transformé le paysage humain, elle a changé nos modes de vie, nos mœurs, elle met clairement en cause notre art de vivre et ce que Laurent Ozon appelle le substrat sensible du pays. Comme d'ailleurs, il parle du substrat sensible européen. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument tabou de parler, y compris dans la chiasse-idence. Voilà. Ah bah C'est oui. refus catégorique, à l'exception de quelques les gens de Suavelos, par exemple, qui, eux, acceptent d'en parler, mais ils sont très rares. Ils sont très rares. Oui, parce que alors pourquoi ça dérange tant ce sujet d'ailleurs en France? Parce que est-ce que c'est pas parce que le fait que les Français, c'est un peuple qui se pense pas justement par la race, en tout cas qui Parce qu'à la base, nous sommes une nation politico-culturelle. voilà, complètement. C'est une construction C'est une politique. construction politique. Mais quand Renan, il écrit qu'est-ce qu'une nation, pour lui, il peut même pas envisager des Noirs, enfin des Asiatiques. Pour lui, c'est complètement aberrant. C'est complètement aberrant. Oui, parce qu'à l'époque, ils n'ont pas ce Voilà. problème-là, Donc, donc ça se pose pas pour eux. en fait, cette C'est. construction politico-culturelle, elle était encore possible quand nous avions des arrivées de population dont les codes culturels, les systèmes de valeurs et les Des normes similaires, anthropologiques ils pouvaient se étaient fondre à plein similaires, temps. voire très semblables. Ce n'est plus le cas depuis 40 ans. D'où d'ailleurs cette dislocation du pays, cette dislocation du pays et cette partition à laquelle on est en train d'assister, pour reprendre la formule de Hollande. De Hollande. Je crois que c'est Alexandre Mendel d'ailleurs qui a écrit un livre là-dessus, Partition. Il a repris justement, il l'a titré en raison de cette phrase de De Hollande dans Hollande, Un président ne devrait pas dire dire ça. ça, voilà. Donc, ce qui est très intéressant dans ces deux affaires, qui finalement étaient espacées de quoi, une Oui, dizaine de une jours dizaine de jours, maximum, ouais, c'est ça. encore une fois, on a bien la preuve que on est vraiment au bord du précipice, au bord d'un chaos racial, clairement. D'une partition communautariste encore plus prononcée et plus exacerbée que celle à laquelle on assiste déjà. Et tous les réseaux de pouvoir appuie là-dessus, accentue là-dessus. Et on a un gros problème, c'est qu'une partie de la réinfosphère, par-dessus le marché, refuse d'aborder de front ces questions-là. Pour ne pas déplaire une partie du lectorat, de l'auditoire, que sais-je. Alors que c'est justement la réinfosphère qui devrait faire ce travail. Ben, clairement, j'ai l'impression que cette question-là, justement, de cette réinfosphère, Tabou! elle taboue, elle fait une fracture, Tabou! quoi. Presque deux camps sont en train de se dessiner, Bien sûr. se font face à face, parce qu'ils sont plus d'accord sur cette thématique-là qui Alors, il y est a essentielle. évidemment énormément de points de convergence, mais j'ai l'impression que les points de divergence aussi aujourd'hui deviennent quand même très importants et vont nous empêcher en fait de faire front commun, quoi. Alors, c'est problématique aussi. Ça aussi, oui, c'est problématique parce que Parce que combien de divisions, comme on dit, quoi? cette question divise profondément, profondément. La question raciale, alors en France, évidemment, plus bizarrement pour un pays qui s'est jamais pensé par la race en plus, contrairement, on sait, aux anglo-saxons qui sont beaucoup plus. Oui, l'ethno-différentialisme anglo-saxon, voilà, ouais. Anglo-saxon, il est beaucoup plus marqué. Ou la nation raciale telle qu'elle est pensée, enfin telle qu'elle est envisagée dans la pensée germanique, Oui, tout à voilà. fait. Voilà. Tout à fait. Et c'est vrai que bon, nous, ce n'était pas dans l'ADN politique français. Français, voilà. Mais tout a changé en raison de ce que nous avons vécu ces 40 dernières années. C'est ça. Mais Tout. Et évidemment, on a un accélérateur depuis 2015. Voilà. Puis la crise migratoire de 2015, ah pardon. bah, La submersion la migratoire de submersion, ouais. 2015. Le tsunami migratoire. Et donc ces questions-là vont se poser de façon de plus en plus brûlante. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens chez nous qui Ils veulent pas mettent des voir, œillères, ne ils veulent veulent pas pas voir, voir. ils veulent pas voir. Ne veulent pas voir. Parce que est-ce que c'est pas l'histoire que avec ce fameux justement entre guillemets en allant dans cette question, on se dit que on va faire un tri entre les Français quoi, on va trier un peu bon bah, lui il est pas et on sait pas sur quel pied danser quoi sur cette question-là en France j'ai l'impression. Parce que sur quelle base le tri va se faire entre qui est français et qui ne l'est pas? Parce que Moi, j'ai l'impression que maintenant, parti comme c'est parti, le tri se fera par le vide. Donc, c'est-à-dire de la plus tragique des façons qui soient. Vu qu'on nous pousse à l'affrontement, au final. Moi, je pense que vraiment, il y a une volonté maintenant de déclencher l'affrontement, quoi. Un certain nombre d'associations communautaristes ont pignon sur rue. Pignon sur rue. Enfin, je veux dire, l'exemple, par exemple. Je me fous complètement de ces films de super-héros à la con, hein. L'exemple de Black Panther de Marvel, Ah c'est quand même extrêmement impressionnant, quoi. ouais. Alors oui, Black Panther, on peut en parler, on peut toucher un mot, parce que c'est un truc qui a cartonné sur les réseaux sociaux, ils en parlent Et partout. alors, c'est la même assoce qu'à l'origine, c'est la fameuse association afroféministe, je crois, qui avait Qui avait voulu organisé, oui, une tout à rencontre fait, afroféministe, Niansapo, je crois que c'est ça. Ouais. Niazapo, Ce sont encore eux qui sont à l'origine de ces salles uniquement réservées aux Noirs, voilà, ça, de ces réservé au séances noir, ouais. Projection de de fête du projection film, réservée réservé aux au Noirs, noir, voilà. voilà. Parce que si un blanc, on sait jamais à côté, On ils se sait sentent jamais, mal pour encore eux. regarder, Et machin. Non, mais c'est quand même parce et que. ce qui est très frappant, c'est que ce genre d'événements qui vont quand même contre l'ordre public, finalement, En théorie, oui, c'est susceptible de troubler l'ordre moi, public. c'est ce que je me suis toujours dit. Maintenant, je ne sais pas, ça C'est passe, susceptible de mais troubler l'ordre public. ouais. Un silence sépulcral autour de ce genre de questions. Ouais. Ça passe. Quelques journaux s'en font l'écho, on relaie assez rapidement l'information, on va pas trop vite dessus. Mais en fait, c'est clairement, oui, des possibilités de troubler à l'ordre public. Mais c'est là que je me dis, il y a vraiment une volonté d'humilier les Français, le peuple historique, on va dire. Le peuple old school, comme dirait Onfray. Parce que lui, il avait employé l'expression du peuple old school. C'est pas Onfray, ma tasse de thé, mais cette expression m'avait fait rire. Je trouvais qu'elle était assez imagée. Et en fait, je finis même par me demander, c'est pas pour nous rendre dingues. Pour nous rendre dingues. C'est-à-dire, à force d'humiliation permanente, perpétuelle, quasi quotidienne quand même, hein, quasi quotidienne. Et puis maintenant, on touche quand même à des symboles extrêmement forts. Jeanne d'Arc, c'est quand même une icône nationale. C'est une des plus grandes figures de notre histoire. C'est une sainte patronne de la France. Qu'ils aient simplement osé envisager ça, osé imaginer ça, c'est je pense qu'ils vont aller vraiment très loin. Parce que dans ce contexte-là, j'oublie pas que c'était le contexte aussi, il y avait Jawad qui a été qui était relaxé, relaxé. qui était relaxé. Ça a quand même soufflé tout le monde. Et Ça a qui quand même fait soufflé tout le monde. et qui fait d'ailleurs qui continue apparemment Ah oui, sur son numéro sur Snapchat sur apparemment. Snapchat et J'ai vu ça, ouais. D'ailleurs, il s'appelle Le Logeur, hein. Il s'est fait surnommer Le Logeur, je crois que c'est Jawad Le Logeur, je crois que c'est son Pourquoi pseudonyme. il va aller faire des pubs en fait, non mais c'est incroyable quoi, c'est là c'était une humiliation encore un peu. Là, je me suis dit je ne sais pas vraiment comment les familles des victimes arrivent à supporter ça, quoi. C'est-à-dire que ce mec-là, quand même, admettons, prenons le haut mot, admettons qu'il ne savait pas qui il logeait. Le type, en fait, confisque des appartements à des gens pour y loger des mecs au noir. Donc déjà, il est déjà dans l'illégalité. On sait que c'est un trafiquant de drogue. Le type, pendant l'audience, nous explique que les déboires qu'il a eus depuis les attentats du 13 novembre lui empêchent d'ouvrir un deuxième point de deal. Non mais le mec, il dit ça Il dit pendant ça dans l'audience. l'audience. Le mec dit ça pendant l'audience. Le mec avait déjà été condamné pour un homicide. Je crois à 8 ans, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est À ça, 8 ans, et il est ouais. sorti Et au bout de là, 4. le 4, De c'est ça, 4. c'est ça. Je veux dire, cette affaire-là suffirait déjà à prouver, à démontrer définitivement les dérèglements judiciaires et les dysfonctionnements incroyables, bon, la place Vendôme, mais même du pays, en fait, plus Oui, généralement du pays. oui, D'ailleurs, il y a eu une séquence comme ça qui était assez frappante. T'as eu la colère des surveillants pénitentiaires après l'agression de plusieurs d'entre eux plusieurs par un relations, islamiste à coups de couteau, hein. ouais. Ils ont failli perdre la vie. Les personnels des EHPAD, les gens des hôpitaux, et après on se retrouve avec l'affaire. Alors on va dire oui, c'est pas exactement tout à fait les mêmes raisons. Oui, mais c'est quand même un pays qui craque en fait. C'est un pays qui globalement craque. Et de toutes parts. Alors pour des raisons diverses et variées, mais c'est un pays, comme je le disais, pour moi, qui est au bord de la rupture. Je pensais d'ailleurs même qu'après les attentats, on allait complètement basculer. Il y a quelque chose qui a tenu. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Sur le front de la catastrophe financière à venir, il y a quand même des nouvelles qui sont très inquiétantes. Oui, parce que Il y en a une que tu as relayée d'ailleurs, celle du hedge fund, qui prend des positions position. clairement contre l'Europe, je crois à hauteur Ouais, de 20 milliards, je c'est crois. ça, 20 milliards 20 qui. milliards. On a déjà vu ça en plus Pourquoi dans le passé, maintenant, ouais. quand généralement les précédents. C'était plutôt de mauvaise augure. On sait qu'il y a un certain nombre d'indicateurs en fait qui sont surgonflés. Donc, vu la situation française, si jamais un gros gadin venait à arriver, un gros choc externe, d'ailleurs, on verra peut-être les conséquences d'ici quelques semaines des élections italiennes hier, Italie, oui, on va en dont on va parler. parler. Si un gros gadin externe venait à faire vaciller la France, sur le plan budgétaire notamment, avec tous les ingrédients dont on a parlé depuis le début de l'émission, y a de quoi être vraiment très inquiet. Ouais, y a un gros Il y a mélange. de Hein. quoi vraiment être très très inquiet, c'est un cocktail détonnant, quoi. Bah, comme Cocktail titrait explosif. le Time il y a quelques années, la bombe au cœur de Oui, l'Europe la bombe au cœur de en l'Europe. parlant de la France. Time bomb, je crois qu'ils avaient Ouais, un c'est bombe à ça. retardement. Ouais. C'est très exactement ça, ouais, je suis d'accord. Donc, là, effectivement, là, on voit que la France, en tout cas, les indicateurs sont de plus en plus Au sur le rouge. rouge, ouais, dans tous les domaines, quoi. Mmh. Et justement, bah, tiens, comme ça fait la transition. Il y a eu ces Les élections élections hier. en Italie, qui a tremblé elle aussi, l'Italie. Alors, résultat, bah, on va dire que c'est Disons comment? que les tendances qui étaient évoquées ont été confirmées, quoi. Et Confirmé, largement. et largement. Donc, alors, pour expliquer un peu l'échiquier italien, l'échiquier politique. Alors, il y a la fameuse Ligue du Nord qui est on La voit bien Lega maintenant, qui la s'appelle Lega, d'ailleurs la la Lega. Lega, ouais, la Lega, la Lega. Parce que justement, il déclare en fait avoir rompu avec les volontés sécessionnistes et séparatistes. Voilà, d'accord. Salvini, d'ailleurs, sauf erreur, je crois, est un ancien communiste. Je crois. À vérifier, hein, mais je D'accord. ne crois pas dire de bêtises. Tout tribun assez. Primain, c'est bon, hein, je l'ai déjà vu, ça, pas discuté, j'ai revu des images de lui à la télé, il a l'air plutôt bon orateur, quoi. Et puis alors surtout, c'est qu'il est passé devant Forza Italia, quoi, Enfin, l'italien, le de parti de Berlusconi. Berlusconi. Donc il est à 18, à la dernière mandature, ils étaient à 4%, quoi, aux dernières législatives. Bon, alors depuis, Il y a une situation il y a eu particulière en Italie. 650 000 migrants qui sont arrivés. Voilà. Il y a 34% des jeunes qui sont au chômage. Il y a un chômage endémique. Il y a eu une cascade incroyable de faillites et de petites TPE et PME qui ont mis la clé sous la porte depuis 5 ans. Et il y a un euro qui plombe complètement l'Italie, quoi. Comme beaucoup de pays de la zone sud. Bon, c'est le fameux péché originel de l'euro, dont on avait déjà parlé tous les deux, les divergences économiques et les différentiels compétitifs qui font qu'une économie tournée vers l'exportation, comme l'Allemagne et la machine outil et l'industrie, un euro fort, un euro marque, on va dire, est intéressant pour l'Allemagne, bien que c'est un jeu dangereux aussi. Pour des économies comme par exemple la Grèce, plus tournée vers le tourisme, etc., ce genre de choses, c'est calamiteux, quoi. Bon, on va pas le refaire le débat, Bien on l'a sûr, déjà fait c'est dix ça. fois, mais donc, enfin, donc je pense que la crise de l'euro va peut-être revenir de nouveau Sur le sur le devant devant de de la la scène scène. bientôt, c'est ce Ouais. que caractérisera Surtout, l'UPR. alors je ne sais pas ce qui va se passer, hein, je ne lis pas dans le marc de café, mais surtout si on assiste à une alliance Cinque Stelle, les gars. Alors, pour expliquer. Visiblement, les deux s'en défendent. Voilà. Ils disent tous les deux ne pas vouloir en entendre parler. Alors, Cinque Stelle, c'est le Un mouvement de mouvement Grillo. de BP Donc, Grillo, enfin, aujourd'hui, mouvement c'est 5 Luigi Di étoiles, Maio. Luigi Di Maio. voilà. Voilà, c'est un mouvement sur lequel il y a beaucoup à dire, d'ailleurs. Bon, c'est un mouvement populiste au sens premier du terme. C'est-à-dire au sens où des gens entendent par populisme renversement des élites. C'est-à-dire renverse. Le peuple estime que les élites ont failli, donc il faut les renverser, les Voilà. remplacer. Voilà, bon. C'est un peu même la vision d'un Laclau, enfin feu Laclau, puisqu'il est plus. Il est plus là, ou Chantal Mouffe, qui était une proche de la France insoumise. Ah, c'est le mien. C'est mon micro. C'est ton micro. Oh, t'inquiète. Et oui, tu Et disais. donc je pense, bon voilà, on peut dire que c'est un mouvement qui est populiste au sens premier du terme. La plupart des grillinis, comme c'est comme ça qu'on les appelle, sont opposés à l'immigration. Ils sont opposés à l'euro. Oui. Ils sont pour une politique de défense des PME et des TPE, puisque le vrai maillage économique de l'Italie, c'est vraiment les PME et les TPE. Hein. Encore bien plus que chez nous, quoi. C'est Et vraiment. puis ils ont en plus encore conservé Oui, ils ont un plus que conservé nous. plus que nous, beaucoup plus que nous. Alors, il suffit de se balader en Italie pour s'en rendre compte. Hein. J'y étais plusieurs fois. Il y a encore plein de petits commerces. Voilà, il y a beaucoup de petits commerces. Beaucoup de petits Bon, ouais. commerces. Donc, ils sont opposés à l'euro, ils sont opposés à l'immigration. Très largement, le mouvement est conservateur sur les questions de société. Il y a quelques exceptions, mais enfin, ils sont plutôt conservateurs sur les questions de société. Mais eux, bon, ne sont pas séparatistes du tout. Ils sont pour l'unité italienne. Et ils cartonnent dans le sud. Ça s'est vu d'ailleurs. Ils ont vraiment enfin, ce qu'on appelle le mezzogiorno là-bas. Ils ont cartonné dans le sud. Et la Lega, elle, a fait un vrai carton dans le nord. Et alors, est-ce qu'il pourrait y avoir un terrain d'entente entre ces deux formations? Quand on voit la plateforme revendicative et programmatique des deux, on se dit que oui. Il y a vraiment des points de convergence. Maintenant, il y a quand même un point qui est essentiel chez 5 étoiles, c'est l'anticorruption. Et je ne sais pas si c'est aussi important pour la Lega. Ils ont quand même passé une alliance avec Forza Italia, Berlusconi. Donc, ce qui ne veut pas dire que Salvini, lui, est un type malhonnête. Mais enfin bon, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir arriver à surmonter ce genre de cas de conscience pour une alliance politique, quoi. Bien sûr. Bon, ce qui est intéressant, comme je disais, c'est que bon, bah, la Lega est passée devant Berlusconi, et puis surtout, le parti de Renzi a De fait à Renzi, peine à 20%. peine 20%, donc. À peine 20%, c'est-à-dire que le macronien local Il est C'est vu complètement. totalement déconsidéré, il est démonétisé, il est discrédité. Peut-être que d'ailleurs, ce qui s'est passé hier va mettre fin à sa carrière politique, parce qu'il s'est déjà pris une claque au régional, et il avait perdu le référendum constitutionnel, Constitutionnel, qui était pour lui un vrai test politique, hein. Il en avait oui. fait un enjeu majeur. D'ailleurs, en fin de campagne, d'ailleurs, il avait beaucoup atténué, à édulcorer, parce qu'il savait que ça commençait à sentir le sapin. Enfin voilà, il s'est pris quand même trois claques majeures en un an et demi. Donc je pense qu'on n'entendra plus beaucoup parler de lui. Enfin, en politique, on sait qu'il revient toujours, mais... Parce qu'il faut bien préciser, pour le système politique italien, c'est l'Assemblée qui doit nommer le Premier ministre. Enfin, ils doivent être d'accord Ouais, pour. alors c'est... Alors, puis c'est encore plus compliqué, je crois qu'ils ont... Avant, le parti qui arrivait avec 40% ou plus, je crois, obtenait en gros 54%, je crois, de la Chambre des députés. Et cette règle-là a été abolie cette fois. Justement, c'était spécifiquement pour empêcher 5 étoiles d'obtenir les 40%, au cas où ils obtiennent les 40%, de pouvoir avoir la majorité à la Camera dei Deputati, donc la Chambre des députés. Et c'est pour les obliger à passer une alliance, peut-être, alors ce qu'ils se refusent à faire depuis le début. Donc la réforme électorale qu'il y a eu avait été spécifiquement tournée contre 5 étoiles. D'accord. Alors, comme je disais, 5 étoiles, qui est quand même un mouvement très particulier aussi, hein. Il y a un personnage un peu étrange qui s'appelle Casaleggio, qui est en fait on va dire l'homme qui est derrière Grillo. Il y a D'accord. Grillo sur le trône, il y a l'homme vitrine, l'homme gondole, donc Luigi Di Maio, qui a déclaré aujourd'hui qu'il voudrait donc former un gouvernement, puisqu'il est le parti qui est arrivé en tête, ce qui est légitime d'ailleurs, hein, c'est logique. Et derrière Grillo, il y a donc encore un autre personnage qui s'appelle Casaleggio. Et on ne sait pas trop, alors c'est apparemment une belle opération aussi financière et économique, cette histoire. Puisqu'il n'y a pas de membres, en fait, c'est un mouvement, c'est pas un parti déjà, 5 étoiles. Beaucoup de choses se passent sur la toile, donc c'est quelque chose de très diffus, qui est un peu en rhizome, donc ce qui a fait évidemment péter un câble aux journalistes, donc ça c'était très plaisant. Je crois que Grillo a dit il n'y a pas très longtemps, les journalistes, j'en mange à tous les petits déjeuners, puis je les vomis. Voilà, donc ça donne un peu Le ton qui l'idée, fait ça. le ton général. Mais par exemple, ils ont arraché, je crois, aux dernières municipales, ils avaient arraché Gênes, Turin et surtout Rome. Donc la maire de Rome, qui s'appelle Virginia Raggi, avait fait donc tout un tas de promesses, notamment dans la lutte contre l'immigration, la lutte contre les embouteillages, le désenclavement de la ville, enfin son étouffement par la pollution, le tourisme de masse et la lutte contre la corruption. Rome est complètement envahie d'immigrés. C'est une Envahie catastrophe. d'immigrés. C'est une catastrophe. Les embouteillages, c'est encore pire que Paris avec la fermeture des voies sur mer d'Anne Hidalgo. Et l'anticorruption, bah, tu repasseras, parce que parmi ses proches, il y avait notamment un homme qui était impliqué dans le scandale Mafia Capitale, qui était un des plus gros scandales qu'il y a eu en Italie ces dernières années. Et je crois qu'elle a essoré au moins 7 assistants, 7 conseillers depuis qu'elle est à la mairie de Rome. Donc le résultat est quand même très mauvais, très médiocre. Mais visiblement, ces vitrines, enfin, ce qu'ils voulaient être, enfin, ce que 5 étoiles voulait utiliser comme vitrine à l'époque, a plutôt été caché pendant la campagne. Mais finalement, ils ont bénéficié de la colère des Italiens. Parce que les Italiens n'en peuvent plus de Bruxelles. Ils n'en peuvent plus des oukases maastrichtiennes. Notamment, quelque chose qui a fait avancer, qui a beaucoup bénéficié à Salvini, c'est sa dénonciation du déficit à 3%. Ouais. Le respect des critères de Mais c'est ça, les Maastricht. critères de Le fameux Maastricht, les critère de critères de Maastricht. Maastricht, ouais. Voilà, et puis évidemment, Schengen. Donc il y a vraiment une colère, en fait, en Italie contre l'UE. Ce qui est quand même très important, puisque c'est un pays fondateur. Oui. C'est un des pays fondateurs. Donc c'est ce que je te disais, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'un gros gadin au cas où il y a une entente, pour l'instant, qui paraît quand même improbable, hein. Entre 5 étoiles et la Entre Lega. 5 étoiles et la Lega. Parce que Voilà. là, Puisque les deux sont anti-euro, hein. ce serait un coup de théâtre. Voilà, les deux sont opposés à l'euro. Et puis bon, là, c'est pas la Grèce, hein. C'est la troisième puissance économique du continent. Là, oui, on parle On entre quand d'un même bon dans morceau, là. une autre sphère, là, hein. On entre dans une autre sphère. L'Italie est aussi un pays qui, comme la France, vit une situation dramatique sur le plan migratoire. Enfin, comme l'ensemble de l'Europe de l'Ouest, en Ouais. fait. Hein. Mais ils sont un petit peu plus mal que les autres parce que les Italiens, on leur Face à la ramène tout. Libye, ils sont face à Voilà. la Et Libye. puis, à Et chaque. comme les îles grecques, d'ailleurs. Voilà, Hein. c'est ça. Et puis, Les on... Grecs et les Italiens sont les plus exposés. Parce que Les les Grecs et les Italiens, Tésiens. j'ai vu qu'ils se plaignaient il y a pas encore très longtemps du fait qu'ils pourraient même bloquer l'accès à leur port parce que les bateaux européens qui Européen, récupèrent voilà. les migrants arrivent tous en Ça arrive Italie, toujours en Italie. alors que ce n'était pas prévu au départ. En fait, au départ, les Italiens pensaient que les bateaux venaient les aider et qu'ils allaient ramener Voilà. les Et migrants puis, chez eux ou dans d'autres voilà. Et puis, ports. Mais bon, là, bah, non. ils espéraient en gros la répartition des C'est ça, migrants c'est ça. sur l'ensemble du continent, les fameux quotas. Les fameux quotas, et puis ils ont vu que personne n'en Ils ont vu veut. que personne n'en En fait, voulait. ils se faisaient Ils ont avoir, ils été les reprenaient tout le victimes, monde. ils ont été les premières victimes de la fameux, du fameux règlement de Dublin, c'est-à-dire que la demande d'asile se Allez, fasse dans le pays le d'arrivée. pays d'arrivée. Donc évidemment, les Grecs et les Italiens sont en première ligne, du fait des îles notamment. Donc, tout le monde arrive chez Lesbos, eux, Kos voilà. pour les Donc, du coup, Grecs, même nous, ou ceux qu'on se Lampedusa débarrasse, on les aussi. renvoie en Italie, dans les Voilà, mais Pyrénées. on va en Italie. Bon, il y a le fameux passage de Vintimille, Oui. qui est un vrai chaos, Chaos chaos total. migratoire Ouais, ouais, invraisemblable. Et puis, il y a le. On a un passeur côté français, là, Ah l'ineffable oui, Cédric Herrou. Cédric Herrou. Donc, lui, c'est dans le. C'est dans la vallée de la Roya, je crois. Ah oui, c'est C'est à ça. la Roya, hein, je crois. Mais donc, pour en revenir là, il y a eu En fait, un double fait divers terrible qui a eu lieu quelques jours avant la fin de la campagne. Il y a une jeune femme, une jeune italienne, qui s'appelait Pamela Mastropietro, dont le corps a été débité et retrouvé dans deux valises. Les os avaient été lavés à la Javel. Et des parties de son corps, ça c'est d'ailleurs très peu dit dans la presse, mais la presse italienne le relaie un peu plus, des parties de son corps ont disparu. Très vite, grâce à une caméra de surveillance, on a retrouvé qui avait fait le coup. C'était un Nigérian. Visiblement, d'après un spécialiste, c'est une technique de la mafia nigériane. Deux autres ont été chopés. Visiblement, ce sont des trafiquants de drogue. Ça a créé un émoi évidemment considérable dans la péninsule, enfin, t'imagines. Ça s'est passé à Macerata, une ville italienne qui s'appelle Macerata. Et alors, l'ironie absolument terrible et tragique de la chose, c'est que le type qui a fait ça, il s'appelle Innocent. Ça ne rentre pas. Ça s'invente pas. Hein. Enfin bon, c'est absolument abominable. Et donc, quelques jours plus tard, un jeune mec qui s'appelle Luca Treni, absolument exaspéré par ce qu'il a vu, a tiré au hasard sur des migrants africains Ah à Macerata. oui. Et il n'y a que cette deuxième, il n'y a que cette partie-là quasiment qui a Qui a été été relayée par la presse relayé, française. c'est. Et on mettait généralement en fin d'article les raisons qui avaient poussé à ce massacre. On expliquait donc sur 4-5 lignes ce qui était arrivé à la pauvre Pamela Mastropietro. Donc visiblement, il y a eu un cas de cannibalisme puisque certains organes n'ont pas été retrouvés. Et visiblement, donc ça, c'est une méthode de la mafia nigériane. Et surtout qu'il a bénéficié d'une, on va dire, une espèce de campagne de soutien sur les réseaux Sur les sociaux. réseaux Il a... sociaux, il y a eu une manif antifasciste à Macerata, suite donc après l'affaire des tirs de Des Luca tirs, Treni. voilà. Et de l'autre côté, donc il y a eu une campagne de soutien pour Luca Treni, etc. Y compris venant de France, hein, d'ailleurs. Il y a eu des courriers qui ont été envoyés. Bon. Donc ça prouve là aussi que ce chaos migratoire est vraiment. Enfin, tu parlais de bombe à retardement pour la France, mais en fait, je pense que c'est vraiment toute l'Europe de Toute l'Ouest l'Europe de l'Ouest qui est contaminée. qui est contaminée. Et à une échelle qui est invraisemblable. Il suffit de voir quotidiennement les faits divers en Allemagne. D'agressions sexuelles dans les piscines de jeunes adolescentes, de viols, de coups de couteau, d'agressions de personnel dans les foyers de demandeurs d'asile. Asile. Alors avec toutes les guillemets nécessaires, demandeurs d'asile. Voilà, donc c'est toute l'Europe de l'Ouest qui est touchée. Il y a eu, je ne sais pas si tu as vu passer cette information aussi, le membre en fait d'un groupe d'écoles confessionnelles en Grande-Bretagne, qui en fait voulait aller chercher dans le vivier des écoles confessionnelles musulmanes en Grande-Bretagne, en fait des viviers pour avoir un recrutement de djihadistes, de futurs jeunes djihadistes. D'accord, j'ai vu cette info passer. Ouais. Incroyable, En fait, incroyable. il allait recruter, il avait pour projet de recruter directement Des chez les enfants, jeunes écoliers, ouais, quoi. j'ai vu ça, des Chez les enfants jeunes armés écoliers dans des écoles d'enfants. confessionnelles musulmanes en Grande-Bretagne. Donc voilà, bon, là, je donne qu'un aspect, mais c'est quotidien, c'est dans toute l'Europe de l'Ouest. J'ai l'impression que, certes, simplement à l'heure à laquelle on parle, aujourd'hui, Huit hommes ont encore été arrêtés à Molenbeek. Visiblement, il y avait un projet d'attentat de nouveau. Je sais pas si tu as vu J'ai pas l'information vu, passer. non, j'ai pas vu Ça cette s'est passé information. aujourd'hui, D'accord, voilà. c'est passé aujourd'hui. Ça s'est passé aujourd'hui. Huit hommes D'accord. arrêtés. Voilà. Donc c'est quand même un problème global qui touche tous les pays d'Europe de l'Ouest. Et alors, c'est toujours difficile de dire quelle va être la conclusion de tout ça. Est-ce que ça se passera à peu près paisiblement? Est-ce qu'on organisera une remigration? Alors, je sais qu'il y en a qui sont réémigration, remigration, inversion des flux migratoires, vous mettez ce que vous voulez. Est-ce qu'on arrivera à organiser ça intelligemment, en concertation avec les pays d'origine? Ou alors est-ce que ça se passera de la façon la plus terrible qui soit? Ou alors est-ce qu'on va sombrer dans une libanisation globale de l'Europe de l'Ouest? Qui pourrait en plus advenir, comme je le disais, simplement en cas de chaos économique, d'effondrement économique. Même sans parler d'effondrement, simplement un blocage de plusieurs jours ou de plusieurs semaines de la machine économique. Ouais, de l'approvisionnement L'approvisionnement, l'impossibilité de retirer dans les les distributeurs autres automatiques de sociétés, billets, les banques qui ferment temporairement. Parce que ça aussi, cette menace, elle est toujours présente, hein. Elle est toujours présente. Donc on a vraiment un cocktail ça pourrait provoquer, va être le début de quelque chose, particulièrement quoi. inquiétant. Et alors, c'était la discussion qu'on avait avant la prise d'antenne. Les fameux partis qui devraient justement nous s'unir, nous protéger, nous prémunir contre ce genre de menaces qui sont quand même existentielles, soit sont totalement à la ramasse, soit il y a des querelles d'ego et une hypertrophie du moi chez quelques-uns d'entre eux et il n'y a rien à faire. Bon, en gros, on peut le dire. Moi, je ne voterai pas pour Asselineau ou pour Philippot, pour une raison que j'ai déjà évoquée. C'est leur discours inexistant pour Asselineau et très édulcoré, voire aseptisé pour Philippot sur l'immigration. Comme pour moi, aujourd'hui, c'est la menace numéro un, je ne peux pas voter pour eux pour ça. Mais après, c'est deux partis qui, quand même, m'intéressent. Que ce soit les patriotes, comme je les appelle, pour être taquin, ou les asselinopathes, c'est quand même des gens, ça fait partie des rares partis qui m'intéressent. Et que je regarde avec. Toujours avec. Avec intérêt. Quand je vois qu'apparemment, des partisans d'Asselineau et de Philippot ne sont pas capables de passer des accords pour les européennes futures, parce que certains disent non, nous, ça sera l'article 50, et d'autres disent nous, ça sera la voie référendaire. Donc en gros, on est en train d'enculer les mouches. Alors qu'on parle quand même de l'avenir de la France, et de sa survie en fait. Hein. Ça Maintenant, survit en on plus. peut parler de sa survie. Ces types sont indignes en fait. C'est non seulement grotesque, mais c'est indigne. Alors, de ce que j'ai pu en voir ces dernières semaines, j'ai l'impression que même Asselineau est encore plus coupable que Philippot. J'ai l'impression que Philippot serait prêt à tendre la main. Tend la main, oui, que Asselineau, il a pas Asselineau lui vraiment. demande, je te tends la main quand tu auras déjà rampé. Ouais, c'est Quand un tu peu auras déjà ça, rampé. Ça, c'est pas possible, ça marche pas comme ça en accord. Hein. Ça ne marche pas comme ça. Alors, petite information, enfin, petite anecdote personnelle. J'avais été voir Asselineau dans une conférence qu'il avait donnée dans un petit local parisien qui est aujourd'hui fermé, qui a disparu. Parce qu'il a eu des problèmes avec le Premier ministre Manuel Valls. Voilà. Après l'affaire Clément Méric. Donc, tu vois de quel local il Ouais, je s'agit. vois tout à fait. Donc je vais voir François Asselineau à sa conférence et il nous explique, voilà, je veux recréer le CNR. Pour sortir de l'Union Européenne, je veux recréer le CNR. Bah, formidable, très bien. Alors je lui dis, bah, je sais qu'effectivement, le Front National n'est pas aussi clair que vous sur un Frexit, on ne parlait pas de Frexit encore à l'époque, puisque le Brexit, on en était encore très loin. Mais je sais qu'il y a une minorité de gens au sein du Front National qui sont sur votre position et qui veulent aussi une sortie de l'UE. Ah, mais le Front National, c'est la CIA. Bon, tu connais, c'est la secte Moon, c'est la CIA. Bon, très bien, ok. Mais je lui dis, il y a un autre parti aussi. Alors, je sais plus si à l'époque, il s'appelait déjà le POI ou il s'appelait encore le PT, le Parti du Travail. Donc, effectivement, c'est des trotskistes. Et je lui dis, eux aussi, quasiment à chaque paragraphe dans un de leurs articles ou dans un de leurs Ils sont à la communiqués, on sortie de voit l'Union sortie européenne. de l'Union européenne. Je crois que je lui parle du PRCF, qui était exactement sur la même position, et du RIF de Paul-Marie Couteau, qui était en gros à 90% sur la ligne Asselineau. Dans les deux cas, je me suis entendu, c'est un groupuscule trotskiste, ça ne m'intéresse pas. En gros, ils se réunissent dans une cabine téléphonique, ce qui n'était pas vrai. À l'époque, le POI avait beaucoup plus de militants que l'UPR n'en avait. En plus, le RIF avait quand même un petit noyau de militants actifs. C'était des personnes. Je l'avais vu une fois, j'avais été au RIF, c'était des gens assez âgés, mais des gens très respectables. C'était des anciens du RPR de la grande époque, on va dire. Celle, en gros, jusqu'à fin 70, début 90. C'est-à-dire quand le RPR était gaulliste. C'était gaulliste, voilà, pour de vrai. Pour de vrai. Donc c'était des gens qui venaient de là ou qui avaient été proches du MPF de Villiers. Et donc je lui parle aussi de ces quelques personnes du Front National, certes peu nombreux, mais qui étaient d'accord avec lui, qui disaient qu'il fallait passer par une sortie de l'UE. Donc un coup c'est bon le Front National c'est la CIA et la secte Moon, c'est un groupuscule trotskiste, Paul Maricuto en gros on connaît pas, c'est limite s'il m'avait pas tourné le dos quand je lui avais évoqué Paul Maricuto. Et pour le dernier, donc, le PRCF, alors je ne sais même plus si j'avais eu une réponse. Et c'est vieux, pourtant, hein, ça date d'il y a un peu moins de 10 ans. Ouais, ouais. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand changement, finalement. Bon, je suis sûr qu'il a complètement oublié cette conversation, qui a duré en tout et pour tout, peut-être 10 minutes. Hein. Ouais. Peut-être, par contre, qu'il se souvient qu'il a fait une conférence dans ce local. Ah oui, ça, on lui rappelle suffisamment. On lui rappelle souvent, pour moi, qu'il soit amnésique. Mais bon, voilà. J'ai compris ce jour-là qu'il y avait quand même un vrai souci. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire le CNR seul. Bah, le CNR, ça se fait en plus avec des gens contradictoires. C'est-à-dire voilà. Si on dit on fait le CNR, tu vas forcément t'asseoir avec des mecs avec qui t'es pas d'accord. Parce que sinon, c'est pas le CNR. Bah, oui. Sinon, c'est pas le CNR, ça n'a pas de sens. Le CNR, c'est, on le sait, c'est mettons nos antagonismes de côté, voyons sur quoi on est d'accord et les grands axes génériques et appliquons ces grands axes parce qu'on est d'accord. Voilà. Donc après, pour ça, je suis désolé, on peut s'asseoir à la même table. Et tous les gens qui me disent oui, Philippot peut pas s'asseoir à côté d'Asselineau ou l'inverse, mais arrêtez vos conneries. Ils peuvent même s'asseoir, on me dit que Dupont-Aignan ils peuvent pas s'asseoir, mais bien sûr que si. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Bien sûr que si. On me dit Dupont-Aignan il peut pas s'asseoir avec Asselineau. Et je voyais l'autre fois, d'ailleurs, tu l'évoquais à raison, l'ex-MPEP. Oui. J'ai oublié leur nouveau nom. Bon, c'est Nikonov. Oui. Ils ont changé de nom. Ils s'appellent plus MPEP, mais oui. J'ai été sur leur site il y a pas très longtemps. Bah, voilà, ces gens-là, c'est exactement la même chose. Quoi. Bien sûr, ils demandent la sortie de l'Union européenne. Voilà. Pareil, ils peuvent être dans un CNR avec voilà. L'UPR, avec Patriote, avec Dupont-Aignan, Christophe Poisson, Jean-Frédéric Poisson. Jean-Frédéric Poisson, voilà. Pardon. Tout cela. D'ailleurs, Jean-Frédéric Poisson, lui, est plutôt dans cette démarche-là. J'ai vu ça. Parce qu'il a rejoint la plateforme qui avait été les Amoureux de la France, lancée par Dupont-Aignan. Avec Dupont-Aignan. Voilà, donc bon, comme quoi c'est possible. Mais bien sûr, tous ces gens-là, c'est pour ça que c'est. Si on dit en plus. On Parce que souvent, on le sait que. On le sait que la question qui pose problème dans les alliances, pour des alliances au sein de, entre ces partis-là, c'est la question migratoire. Bien sûr. Et il se trouve que les partis. Raison pour laquelle je ne voterai pas pour eux, ce que j'ai dit tout à l'heure. Même si, effectivement, sur toute la partie Union européenne, je les approuve totalement. Mais bon, j'ai cette grosse pierre d'achoppement, quoi, qui fait que, entre un qui n'en parle jamais, pour des raisons qui lui appartiennent, mais à mon avis, il ne veut pas se froisser avec une partie de son éditoire, l'autre qui considère que ça comme très secondaire, ça c'est Philippot. Donc voilà, leur discours est aseptisé, mais bon, justement, le fait qu'ils n'en parlent pas, ou qu'ils en parlent très peu, voire très mal, devrait leur permettre de s'entendre. Bah oui, complètement. Parce qu'à la limite, certains diraient on ne veut pas entendre parler du Front National, puisque l'immigration est la question numéro un chez eux, ils sont racistes, etc. Enfin bon, tu mets ce que tu veux, quoi. Ouais. Tu mets tous les adjectifs que tu veux, xénophobe, j'en sais rien. Certes, très bien. Bah, alors là, comme justement, vous n'en parlez pas, il n'y a plus aucune raison que vous ne vous alliez pas. Exactement. Complètement d'accord. Complètement d'accord. Et après, alors, ils vont être Dupont-Aignan, lui, il est sur la ligne, il parle du grand remplacement, alors, mais ça ne plaît pas, justement, aux autres. Mais si ça, c'est... Alors, c'est ça qu'il faudra que tu m'expliques, d'ailleurs, parce que, comme toi, tu connais mieux l'UPR que moi, Asselineau est quelqu'un qui a été déniché, déterré des dossiers incroyables sur, on va dire, la jeunesse de l'UE, enfin de la CE à l'époque, ou même sur le TRT de Rome, voire même la CK, quoi. Les déclarations d'Eisenhower, ce qu'ont fait Schuman et Monet, qui ils étaient. Voilà, on va dire, les fameux pères fondateurs, c'est tellement emblématique d'ailleurs de parler de pères fondateurs, comme les Founding Fathers de l'autre côté, quoi. Donc je dis, il a fait tout ce travail. Et pourquoi, alors que ça aussi c'est parfaitement sourcé, je ne l'entends jamais parler du plan Coup des Neufs Kalergi, par exemple. Pourquoi? Ben ça, c'est une question, et moi, j'y ajoute toujours une autre interrogation. C'est cet homme qui était dans une droite, on va dire, dite dure dans les Dur, années oui, 90, enfin voilà. bon, on reprend comme tu dis les guillemets, mais Conservatrice. conservatrice, Voilà, voilà, moi, avec conservatrice. quand même des personnages comme Charles Pasqua, comme Avec lequel il a Debré, travaillé. il a travaillé, qui était Charles Pasqua, faut rendre compte, c'était pas les bisounours, enfin, c'était quand même la ligne Pasqua dure, Pandreau, voilà, c'était. c'était la ligne dure de la droite. Et c'est des gens qui, avec le recul, avaient finalement raison idéologiquement sur la Bien projection qu'ils sûr. faisaient de l'avenir du pays. Donc quelque part, moi aussi, je m'interroge toujours de me dire, mais pourquoi François Asselineau, Se donc refuse il avait apparemment. raison, puisque finalement il avait raison sur ça aussi, Se même. refuse à aborder cette Bah oui, question. parce que il avait raison sur l'Union européenne, bah ça on ne revient même pas dessus, tout le monde est d'accord. Mais sur les questions migratoires, finalement, si tu regardes son parcours, mais il avait raison aussi. Mais pourquoi aujourd'hui se... Parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus. J'ai l'impression qu'il se refait une. Alors moi, je dirais une espèce Une de virginité? virginité, voilà, sur ce truc-là, en se disant, bon, je passe entre les mailles du filet, je suis déjà un peu cramé, on me traite Alors en de fait, je pense. complotiste d'extrême droite, faut vu En mieux fait, pas que je ramène ce sujet-là, c'est quoi. un homme courageux, suffisamment courageux pour avoir manqué la carrière ministérielle qu'il aurait largement méritée, ou la carrière politique qu'il aurait largement méritée, vu son niveau, son intelligence et puis ce qu'il a trouvé. Mais peut-être pas suffisamment courageux pour subir des persécutions judiciaires Judiciaire, réelles, voilà. et donc qui l'aurait amené sur certains terrains. Alors, comme je te disais, le plan Koudenov-Kalergi, qui est quand même un projet. On va dire d'afro-asiatisation Mission. du continent européen. C'était vraiment vu comme C'est ça, hein, ça. et décrit tel quel. Je sais que par exemple, il dénonce l'expression de remplacement, il dit que c'est une expression complotiste, Complotiste, raciste au dernier degré, je crois. ouais. Il a Mais réfuté, est-ce ouais. qu'il a déjà vu les papiers officiels de l'ONU parlant d'immigration de substitution sur le continent européen, et où je crois même que le mot remplacement Placement est écrit, écrit noir sur ouais, blanc. sûrement, Donc lui qui aime justement travailler sur ce qu'on pourrait appeler la conspiration ouverte et les sources ouvertes, que ce soit le plan Koudenov-Kalergi ou ce projet de l'ONU de substitution de population de la population européenne, ces documents-là existent. Pourquoi refuse-t-il d'en parler? Moi, c'est pour ça que j'y Je, vois, j'y vois les seules raisons qu'on vient ouais, d'évoquer. c'est ça, C'est-à-dire suffisamment courageux pour perdre une carrière ministérielle qu'il aurait largement méritée, mais pas assez pour ne pas subir des foudres une foudre judiciaires, voire une judiciaire. mort sociale, voire la mise en quarantaine, quoi, tout simplement, quoi. Ouais, tout simplement, ouais, À mon parce que avis. c'est parce que s'il allait en plus sur ces sujets-là, effectivement, ça rajouterait du Voilà. soufre au personnage, Et même. Alors, du coup, finalement, une des seules personnes qui se permet d'aller sur tous les sujets comme ça, c'est Pierre Hillard. ouais. Pierre, il a décidé de tout prendre. Il s'est pas dit, je fais un tri. Bon, voilà, je découvre certaines choses. Mais on peut ne pas toujours être d'accord avec les conclusions que tire Pierre. Ouais, Bah, certains lui reprochent des fois sa vision d'aller trop un peu trop catholique, vite, eschatologique. eschatologique, ouais, Eschatologique, on voilà. va dire. Ça, on me l'a dit souvent, on Ouais, dit ouais. oui, mais c'est très catholique. Alors, moi, ça m'intéresse beaucoup, évidemment. Je suis catholique, donc ça m'intéresse énormément. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Pierre travaille sur des sources ouvertes et il ne s'interdit aucun sujet. Aucun sujet. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne doit s'en interdire aucun, mais surtout pas. Surtout pas, la situation est trop grave pour décider de mettre sous le tapis tel ou tel sujet parce que c'est susceptible de nous froisser avec un tel ou un tel, y compris au sein de notre organisation, de notre mouvement. Non, on ne peut pas réfléchir comme ça, on n'a plus le droit. Parce qu'en plus, ce qui est saisissant Il ne avec. s'agit pas de ne pas être tactique, il s'agit juste d'être, de faire preuve d'une probité intellectuelle à toute épreuve. Parce qu'en plus, les gens qui font bloc aujourd'hui sur ces idées de remplacement, on a des camps contradictoires. Parce qu'il y a ceux comme Asselineau qui vont te dire le grand remplacement n'existe pas. Et puis ceux qui vont l'admettre, mais dire c'est une bonne chose. Et les deux sont alliés contre Oui, ceux qui sont contre. contre. D'ailleurs, je crois que c'était Finky une fois qui avait une bonne formule qui m'avait amusé. Il avait dit dénoncer le grand remplacement quand on estime que c'est une catastrophe, c'est une vision d'extrême droite. Par contre, le promouvoir et s'en réjouir, c'est tout à fait Ah tout à fait bah respectable. résumé Voilà, ça, c'est ça. D'ailleurs, il y a quand même Mouloud Achour et ses copains qui ont poussé le vice jusqu'à appeler leur maison d'édition les éditions du grand remplacement, je crois. Ah d'accord, ah bah Il oui, me semble. d'accord, c'est À possible, vérifier, mais d'accord, je crois c'est que c'est possible. Mouloud Achour et ses potes, D'accord. les éditions du grand Bah j'ai vu remplacement. qu'ils en parlaient beaucoup, oui, c'est Je leur crois, les créneau, éditions du grand remplacement. les éditions du grand remplacement. Bon. Voilà, au moins, ça le mérite de la clarté. Parce qu'eux, ils veulent se moquer, ils font partie Oui, de ceux qui bien disent sûr. ça n'existe pas, mais en fait, c'est c'est une, un état de fait, quoi. Un état de fait. C'est un état de fait. C'est un état de fait. Ouais. Donc voilà, moi c'est le problème donc, que j'ai avec Asselineau, c'est celui-là. Mais comme je dis, je m'intéresse à ce qu'il fait dans tout le reste. Et justement, avec un œil extérieur, justement, je peux en parler encore plus librement, ne votant pas pour eux pour les raisons que je viens d'exposer, je comprends encore moins pourquoi il n'y a pas d'entente et de... Enfin, une alliance, tout simplement, pour les prochaines européennes. Ouais. Ça aurait tellement de sens. Enfin, complètement. En plus, voilà, on aurait peut-être justement des députés, peut-être bien Philippot et Asselineau, pour aller faire ce qu'a fait Farage. Ce qu'a fait Farage. Parce que Farage, il a mis 10 ans pour faire ça. De toute façon, le Brexit a été gagné par Farage au sein du Parlement européen. Voilà. Les vidéos ont été vues par des millions de gens. Dans toute l'Europe. Dans toute l'Europe. Il n'y a pas un député européen qui a fait ça. Personne qui connaît un député européen. Le seul député européen qui a été connu dans l'Europe entière, c'est Nigel Farage. Voilà, voilà, c'est tout. Et moi, je pense que le Brexit, c'est gagné par ses vidéos. Très largement. Enfin, ça, il a déjà mis cette idée-là déjà dans la tête des Britanniques. Que, voilà, à grande échelle. À grande échelle. Voilà, et ça, là, en France, ça pourrait être possible si on avait des équivalents au Parlement européen qui viendraient leur mettre des coups de boutoir. Des comme coups de ça. Boutoir, voilà. Ça leur ferait très mal. Très mal. Très, très mal. Qui vous parleraient du Frexit et du machin et comme ça. Et tout. Ah, et puis en plus, là, ce serait des députés européens, donc du coup, pour les censurer, ce serait beaucoup plus difficile, c'est évident. Donc on, voilà, on pourrait plus censurer cette question, en tout cas, dire non, non, qu'il n'existe pas, qu'il ce serait impossible. Voilà. Et bon, bah, c'est un, je trouve ça un peu affligeant, vu de l'extérieur. En plus, on est dans des finasseries juridiques. Ouais. C'est du juridisme. Oui, on n'est plus dans la politique du juridisme. Ça va en faire trop sur un pinaille, sur... Et ça, c'est anti-politique. Par définition. C'est-à-dire dire je ne m'allie pas à eux parce que nous on veut déclencher l'article 50 ou je ne m'allie pas à eux parce que nous on veut passer par la voie référendaire et eux veulent passer par l'article 50. Là c'est tout sauf sérieux. On n'est plus dans la politique là. On est dans l'amusement, dans les chamailleries, comme je le disais, dans des querelles d'ego pitoyables, mais on n'est pas dans la politique. Parce que moi ce que j'explique tout le temps, c'est que pour avoir rencontré, bien connaître effectivement les gens de l'UPR et les gens des Patriotes, il y a un véritable ADN politique commun. Oui, il y a une feuille de papier, quoi, qui les sépare. Voilà. C'est-à-dire que tu prends quelqu'un, le père de patriote, t'as beaucoup de mal. Oui, ils sont interchangeables. Voilà, ils auront beaucoup de mal à les différencier, finalement. Ils sont interchangeables. Il n'y a que, justement, ceux qui s'obsèdent, des fois, il y en aura encore certainement dans les commentaires, qui vont dire « Mais non, tu comprends rien, c'est différent. » Mais il n'y a rien de différent, ils sont complètement sur la même ligne. Je veux dire, et pour cause, c'est que si tu écoutes un discours de Philippot, un discours d'Asselineau, je veux dire, qu'est-ce qui les sépare à part justement, cette question migratoire et en filigrane. Comme je dis, qui est très aseptisé chez Philippot. Très léger chez Philippot et absente chez Asselineau. Et en plus, attention, c'est parce que le fait qu'elle soit absente dans, effectivement, chez Asselineau, ne veut pas dire qu'elle est absente chez les adhérents. Chez les adhérents. Il y a une grosse différence parce que beaucoup d'adhérents de l'UPR sont justement sur une ligne où ils se posent quand même la question. Ils ont la beau leur expliquer que c'est hors charte, que c'est pas le truc, bah mais bon. Ils prennent le métro comme tout. Voilà, c'est ça. Ils prennent le bus, ils prennent voilà, le métro. Donc ces gens-là. Leurs enfants vont à l'école primaire ou au collège. Comme tout le monde. Et donc, ils habitent en Ile-de-France pour certains, dans les grandes agglomérations françaises, et ils voient. Et ils voient, et ils constatent. Donc ça va être difficile de comme leur dit, dire, ça n'existe pas. Comme dit notre ami Adrien, le grand remplacement, c'est pas un complot, c'est le métro, quoi. voilà, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Si en fait, tout simplement, c'est la fameuse phrase de Peggy que j'aime bien, il faut dire ce que l'on voit, mais surtout, il faut voir ce que l'on voit. Et j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes aujourd'hui qui refusent de voir ce qu'ils voient. Ouais. Et bon, visiblement, chez les militants de l'UPR, tu me dis, bah, certains voient bien ce qu'ils voient. Bah, bien sûr, voilà, certains voient bien ce qu'ils voient, ils peuvent pas se disculper d'ailleurs. J'ai même vu que, de toute façon, Asselineau, sur ces questions-là, il expliquait dans une vidéo qu'il voulait que, sous la pression, en tout cas sous l'influence des questions internes, il évoluait sur cette question, sur cette il était question. Obligé de se positionner clairement. Donc ce qui veut bien dire que même à l'intérieur du parti, parce qu'ils ne vivent pas hors de la France, non, pas du tout. Ils sont complètement inquiets sur cette question, comme le reste des Français, et que même à l'UPR, ou si on dit non, on n'en parlera pas, ils vont être obligés d'en parler, parce qu'ils ne pourront pas y échapper, comme tous les autres. C'est impossible d'y échapper. Voilà. C'est impossible. Parce qu'après, ça devient presque hypocrite, schizophrène, si je refuse en disant non, je refuse d'en parler. Surtout en mettant à raison, en pointant du doigt à raison Schengen. En plus. Bon, faut être cohérent. Ouais. Schengen, c'est quelque chose. C'est la libre circulation des personnes. Enfin, il est bien, etc. Enfin, bon, c'est un des dogmes libre-échangistes. Donc si tu condamnes le libre-échangisme, tu condamnes l'immigrationnisme. Voilà. Bah, justement, alors sur Schengen, ça aussi, bah oui, chaque fois on m'a dit, moi dans la campagne, j'ai vu que c'était une question qui avait été posée à Asselineau, et j'étais un peu étonné, je vous cache pas de la réponse, puisqu'il avait dit que justement ça on verrait Schengen. C'est-à-dire que pour lui, quand il disait sortir de l'article 50, c'était le TUE, le TFUE, TUE, l'OTAN, l'euro, l'euro. mais que Schengen, en fait, c'est après on déciderait si on veut le garder ou pas. Alors Oui, en fait, c'est pour l'inverse du Front National, quoi. moi. Oui, qui maintenant met Schengen d'abord et puis la souveraineté monétaire tout à la À fin, la ouais. fin, Ouais, voilà, c'est voilà. ça, c'est ça. Bon. Ça devient compliqué, quoi. Parce que moi, je me disais, pour moi, bah, Schengen, faut le bazarder, parce que c'est quand même le pilier, justement, du sans-frontiérisme, de l'invasion migratoire, de tous les ressorts qu'on est obligé d'accepter, les gens, etc. Enfin, faut en Voilà, finir avec oui, c'est ça, Schengen, c'est. quoi. C'est hyper Ouais, comme évident. tu dis, c'est le véhicule parfait du sans-frontiérisme et donc de la métamorphose du pays, quoi. Voilà. De sa Donc, transformation pour le pour pire. moi, on ne peut pas le garder, Schengen, ça Ah paraît non, non, évident. c'est. Après, on peut repasser des accords, peut-être, je ne sais pas, avec des pays, je ne sais pas comment ça peut s'organiser, parce que c'est ce que disait Cohn-Bendit, qui disait, ah, mais on va pas remettre comment dire, des douaniers aux frontières. Pourquoi Bah, pas? pour moi, c'est ce que j'ai envie de dire, mais pourquoi Pourquoi pas? pas? Parce que les Anglais, Non, mais on a ils très le bien font, vécu. bah, oui, On a bien très bien sûr. vécu. Moi, je me souviens gamin, passer des C'est ça frontières et charge. d'attendre 10 minutes à la Et douane. alors, oui, Oui, mais on n'était pas on mort. n'est pas mort. Et puis les Anglais, ils continuent à le faire, et les Voilà. États-Unis, et tous Prends les l'euro, pays du monde, en fait, le font. prends l'euro-slar, voilà. Voilà, et ils contrôlent tes papiers, Tes papiers. Ah bah, ça va, et tu t'en voilà, remets. t'arrives, et tu t'en Tu sors t'en pas plus remets. mal, c'est ça, Tu tu t'en t'en remets. remets. En plus, c'est une hypocrisie totale, parce que ils font croire de façon fallacieuse qu'en fait, le fait de remettre des contrôles en fait, de douane, ça va empêcher la La circulation, alors que circulation. non, Non, c'est non. qu'on va contrôler la Contrôler la circulation. Ce qui est un circulation. peu différent. Ah, c'est bien C'est différent, hein. voilà, ça veut C'est dire bien que on va différent. pas empêcher l'Allemand de venir faire ses courses à Paris s'il veut, ou les Anglais de venir à Paris. C'est pas ça le projet. C'est de dire maintenant les Anglais ou les Allemands ou n'importe qui d'autre d'ailleurs qui arrive de l'extérieur sur le territoire, on le contrôle. Contrôle. C'est pas quand même. C'est pas. On va pas demander. On va pas rétablir les visas entre la France et l'Allemagne. On Non. sait très bien, ou entre la France et l'Angleterre. Même demain, il n'y a plus d'Union européenne. On sait très bien qu'on rétablira pas Non. les visas. Mais on va contrôler. C'est-à-dire, on veut savoir quand Qui même. rentre? Qui Qui rentre? rentre, Qui? voilà. Quand même, on se rappelle à Berlin, tu te rappelles le terroriste qui avait traversé Oui, toute toute l'Europe. l'Europe. Schengen Tour. Schengen Tour. Schengen Tour, France, Italie, machin, Suisse, je sais pas quoi, le mec, Oui. il nous a fait la Ça. Mais ça, démonstration, par contre, c'est quand on ça. disait ça, on était accusé de propager des fausses nouvelles. Alors, je le Ah traduis, oui, hein. ah Je le traduis, hein. oui. D'ailleurs, ce que t'as pas remarqué, des fake news, alors des fausses nouvelles d'un jour deviennent les vérités 3 ans Trois après. ans après, ouais. Notamment, on le découvre là pour les pseudo-rebelles modérés, Ah bah de les égorgeurs Syrie. modérés de Ah, Syrie. de Syrie. Donc, ça faisait à peu près 5 ans qu'on disait minimum que donc, un, ils étaient financés par l'Arabie Saoudite, le Qatar, selon les factions et les groupes, la CIA, évidemment Israël, qui soignait carrément des types Des types dans les d'Al-Nusra hôpitaux, dans des hôpitaux militaires en Israël. Et aujourd'hui, on me dit, oui, c'est vrai que certains groupes ont été utilisés. Là, par exemple, on découvre que 7 groupes, prétendument modérés, donc, sont utilisés par Israël dans le Golan, Voilà, pour pour donc sécuriser le Golan pour Israël, contre Bachar. Voilà. Et ça, extraordinaire. maintenant, on nous l'avoue. Donc, il y a 3-4 ans, quand on disait ce genre de choses, mais vous propagez des fausses nouvelles, Ouais, vous êtes un complotiste, propagandiste, un complotiste. Voilà, complotiste, bon, bah. voilà. Donc c'est là d'ailleurs le scandale de. Enfin, c'est invraisemblable d'ailleurs que c'est même pu être envisagé son projet de loi anti-fake news. Ah C'est complètement oui. invraisemblable. D'ailleurs, c'est spécifiquement tourné contre des gens comme nous, hein. Faut pas se leurrer. Hein. Peut-être, je pense qu'il avait aussi dans son esprit sûrement Rochat Houdet. Il y a à boire et à manger sur Rochat Houdet, mais à mon avis, c'était spécifiquement Rochat Houdet qui était visé, puisqu'il les a accusés d'avoir œuvré contre lui Ouais, pendant la d'avoir campagne. voulu saboter sa Voilà. Ah, campagne, oui, c'est vrai que BFM l'a pas fait oui. contre Fillon, quoi. Non, Pas non, du tout, pas du tout. non. Ou contre Marine Le Pen, Non. absolument pas. Et en fait, je crois qu'il y a un article, il y a un délit de propagation de fausses nouvelles depuis 1850 Oui, dans le parce droit que ça français. existe, ça déjà, bah oui. Depuis 1850 dans le droit français. Donc, pourquoi une nouvelle loi si ce n'est spécifiquement viser certaines personnes et donc engager, en fait, créer une nouvelle législation, un nouvel arsenal juridique pour spécifiquement viser l'Internet alternatif. Tout à Voilà. fait, tout à C'est fait, bien sûr. évident. C'est évident. Parce C'est que la évident. loi existe, on n'a pas besoin d'une nouvelle Bon, loi sur la qui sera visé? Voilà. ER, F de souche, Suavelos, Patriote.info, bah, on voit Méridien Zéro, bah, cette politique-là, Boris Lelay, ses amis de démocratie participative. Enfin bon, eux, je crois qu'ils ont eu la bonne idée de s'héberger, je crois, aux États-Unis. Aux États-Unis. Je crois qu'ils sont sous le premier amendement. Ils sont sous le premier amendement. De toute façon, on voit bien que voilà, ils mettent en œuvre toute une politique à la fois avec les géants américains qui essayent de. Oui, voilà, avec les GAFA. Avec les GAFA, voilà, les GAFA qui nettoient. Et puis, d'ailleurs, on a découvert que le décodex du Monde faisait le ménage pour Facebook. Voilà, d'accord. Ah ben voilà. Apparemment, les types du décodex du Monde font du ménage pour Facebook. D'accord. Bon, ben, au moins, ça voilà. Mérite de la clarté, quoi. Voilà, ça mérite de la clarté. Ils sont payés. Ouais. Mais c'est extraordinaire, quoi. Donc, ils essayent de dégager. Comme quoi, finalement, ça veut bien dire que alors, cette nouvelle opinion publique, elle a de l'influence, quand même. Parce que pourquoi les dégager? Oui, c'est ce que, ouais, c'est l'expression d'Adrien. L'opinion publique, j'aime beaucoup. Oui, qui est très bonne, d'ailleurs. Et ouais. Je pense que. Oui, ouais, je pense qu'elle. Peut-être que parfois même nous, un peu assommés par les mauvaises nouvelles, la difficulté à avoir en transformation électorale, en fait, nos combats et tout ce qu'on fait de façon souterraine ou plus ou moins souterraine, fait qu'on est un peu trop pessimiste, mais en fait, finalement, on est peut-être beaucoup plus ennuyeux qu'on l'imagine. D'accord, oui, c'est ça, parce que c'est vrai que la loi anti-fake news. Bon, je suis d'un optimisme très modéré. Mais peut-être qu'effectivement, moi j'ai tout de suite pensé aux grosses plateformes de la réinfosphère, quoi. Ouais, bien sûr, ouais. Peut-être pas Polémia, parce que Polémia est devenu tellement institutionnel maintenant, dans le bon sens du terme. Hein. C'est, d'ailleurs, même la présentation fait quelque chose de très institutionnel, très sérieux. Mais à mon avis, ER évidemment, F de souche, comme je le disais, démocratie participative, ouais. Même nous, Méridien Zéro, à mon avis, voilà, et ici évidemment, on est les gens spécifiquement visés, quoi. Et puis l'échelon au-dessus, Rue Chateaudet. Oui. Mais ils visent pas. Parce qu'il a une dent contre eux, quand même. Ouais, par contre, les autres, ils s'expriment comme ils veulent, quoi. Oui, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Le camp anti-national, entre guillemets, lui, a toutes portes ouvertes. Pignon sur rue. Pignon sur rue. Enfin, quand même, on vit depuis un peu moins d'un an sous le coup, moi j'en démords pas, hein, sous un coup d'État politico-judiciaire. Enfin, politico-médiatico-judiciaire. C'est-à-dire. Le candidat Fillon a été torpillé par BFM, évidemment par l'officine Canard Enchaîné. Alors, ceux qui imaginent encore que le Canard Enchaîné, c'est un journaliste subversif... Et puis qui est indépendant, qui sera indépendant. Oui, qui sera indépendant, c'est un journal qui sort certaines affaires au moment où on lui dit de les sortir. Et ils sont tous sauf neutres. Parce que dans l'affaire Fillon... Pour revenir un peu quand même sur le contexte, c'est vrai que c'est du jamais vu. Il y a eu un article le lendemain, il y a eu une enquête d'hiver. Enquête d'hiver. Je sais pas, trois jours après. La rapidité du parquet national financier aussi, c'est incroyable. Surtout que je crois que la nénette qui est à la tête du parquet national financier est une proche de Taubira et du syndicat de la magistrature. Tout à fait. Nommée par Taubira. Voilà. Comme je disais, on passera sur la couverture incroyable de BFM TV de cette campagne. C'était invraisemblable. On parlera même pas des couvertures en faveur du couple Macron. C'est des centaines de couvertures pendant près d'un an. Donc on a préparé psychologiquement les Français à mettre cet homme à l'Élysée. Et ça a marché. C'est une opération psychologique de grande envergure qui a été menée sur un pays. Bon, après, maintenant, on est libre ou pas d'y céder. Hein. Comme je disais, manipuler celui qui est manipulable. Qui est manipulable. Hein. Donc, bah, je suis désolé, hein, mais... donc, moi, je n'ai pas voté François Fillon, mais clairement, cet homme devait être le prochain président. Bah, oui, il y avait toutes les chances. Toutes les chances. C'est évident, oui. Il a été torpillé par une justice aux ordres. La place Vendôme a vraiment joué son rôle dans la destruction de sa candidature. Qu'est-ce que tu penses qu'il a fait, Fillon, pour payer sa mort? D'accord, il voulait mettre Macron, mais pourquoi finalement? Parce qu'il a... Le programme pourquoi économique, lui maintenant, c'était le même. Pourquoi lui maintenant? À mon avis, déjà, il avait un souci avec une partie des réseaux atlantistes. C'est ce que j'allais dire, parce que c'est pas son engagement avec la Russie. Voilà, alors son rapprochement avec la Russie, à mon avis, a dû lui coûter beaucoup. Parce que c'est pas son programme économique et social, c'était c'est le même. C'était plus compatible avec l'oligarchie, il allait encore plus loin que Macron. Il allait plus loin que Macron. D'ailleurs, de Castres, qui était un de ses proches durant sa campagne, c'est Bilderberg, ancien de chez AXA, qui d'ailleurs s'entend très bien avec Macron. En plus. Donc, Voilà, donc il avait là toutes les cartes sur le podium. Édouard Philippe, c'était un proche en plus, voilà, aussi, donc Juppé, enfin, voilà, c'était la même équipe, tout ça, ils se connaissaient tous ces donc gens-là. Donc, bon. c'est pas ce plan-là. Donc c'est, à mon avis, ses réseaux à l'international. Je pense aussi qu'il avait peut-être une réelle volonté, pas d'arrêter l'immigration, mais en tout cas de la réduire de façon drastique. Et ça ne plaît pas à certains réseaux maçonniques, ça ne plaire pas à certains réseaux grands patronaux, ça ne plaît pas à certaines associations, ça ne plaît pas à certains personnages influents de la médiasphère, et ça déplaît fortement à même une partie de son camp. Ouais, je comprends, ouais. Il y avait ça aussi, à mon avis. Et je pense qu'il a aussi trop parlé, peut-être, contre Sarkozy. C'est la fameuse phrase « Imagine-t-on que Général de Gaulle mis en examen ?» Et je pense que certains ont voulu lui faire payer C'est ce que disent au sein de son camp. Bourgi, Bourgi, Bourgi, voilà, c'est ce qu'il le dit. fameux « Je vais le niquer Ouais. ». Voilà, grande élégance. Grande C'est élégance, du Sarkozy dans le texte, quoi. peut-être, je vais, donc ça, c'est Bourgi, je vais le C'est niquer, Bourgi, quoi. ouais, mais Je vais le niquer. D'ailleurs, qui est quand même un des trois plus gros porteurs de valises, un Oui. des plus gros trois porteurs de mallettes de la République française. Hein. Lui, Djoury et Taqiédine. Là, on a les trois gros porteurs de mallettes de la République française. Et ce mec-là peut se balader, interviewer impunément, aucun problème. Ouais. Alors que je crois que c'est dans le, je crois que c'est dans le JDD qu'il y a eu. Bah, d'ailleurs, de son propre aveu, où il raconte tout ce qu'il a Oui, fait tout ce qu'il a fait, qu'il a pour piégé Fillon. Villepin. Ah Pour Villepin oui. et Chirac, comment j'ai piégé Fillon aussi, Ouais. les valises que je rapportais pour Chirac et Villepin, enfin bon, bref. Bon, visiblement, en France, ça passe. Et donc, il y a quand même. Mais je crois que ce qui est quand même encore plus déterminant que le parquet national financier, encore plus déterminant que la haine de son camp, c'est quand même le pouvoir médiatique. Le parti médiatique, comme dirait Mélenchon, j'aime bien cette expression d'ailleurs, c'est pas mal, le parti médiatique, qui s'est coalisé clairement contre lui en activant les réseaux BFM et compagnie, quoi, Ah, d'accord. à mon avis. Et là, donc tu me parlais des raisons, moi je pense qu'il y a cette volonté, visiblement, qui était assez affichée, donc de rompre avec une immigrophilie béate, Oui. sa volonté de se rapprocher avec la Russie, Ben, de et changer. Alors, oui, mais voilà, ben, franchement, d'établir. il Voilà, se détache des Atlantistes, en tout cas. des nouveaux contacts avec l'Iran Oui. La Syrie aussi, et la Syrie, il de tend changer la. de Parce politique que lui, sur clairement, il a dit qu'il faut tendre la main à Bachar Bachar el-Assad. al-Assad. Donc, Il fallait, c'est l'inverse de toute voilà, la politique il fallait française. changer de politique syrienne. Je pense que c'est ça qui lui a coûté, en fait. Ouais, moi, c'est parce que. Clairement, je vois ça, quoi. Parce que, ah, voilà, je me suis dit, mais attends, le mec, sur le programme économique, je veux dire, limite, c'est Macron qui s'est fillonisé, puisqu'il a pris l'histoire des ordonnances, Des des ordonnances, machins, quoi. tout ça, c'était dans le programme de Fillon. Donc, La qu'est-ce qui formation vous. professionnelle, là, même Voilà, hier. tout ça, c'était dans le programme de Fillon. Donc, qu'est-ce que finalement, qu'est-ce qui faisait la différence? Oui, c'est vrai, ce changement d'alliance à À l'international. Donc, comme quoi, l'international. ça a pesé certainement les réseaux. Énormément. Ouais. Énormément. Et c'est étonnant que ce soit les réseaux sarkozystes qui, lui, est accusé d'être. Un Atlantique chevronné, etc., qui fasse dégommer en fait Qu'il Fillon. fasse dégommer Fillon, ouais. Et après, je pense qu'il y avait un troisième élément. Sûrement de moindre importance, mais qu'il l'a quand même eu, c'est ses bonnes relations et sa bonne entente avec Sens commun. Ah oui, ça a été souvent. Donc Oui. le Le conservatisme, conservatisme culturel aussi, un peu, qui est à voilà, l'opposé de tout le bah, de libéralisme libertaire libertaire sociétal qu'on nous impose. insupportable qu'on nous Voilà, impose. Donc c'est les gens, les proches de Madeleine Bazin-Jessé et voilà, c'est compagnie. un peu l'antiphémène quand C'est même. C'est l'antiphémène, vrai, voilà. c'est. Et donc d'ailleurs, c'est eux qui. Ce sont eux qui ont failli sauver sa campagne, qui ont Oui, presque oui, réussi à sauver sa oui, campagne. oui, Le oui. fameux le rassemblement du À Trocadéro, Trocadéro, c'est eux. c'est eux, c'est eux, Ce c'est sont eux. eux. Bah, moi je pense, ce jour-là, je t'ai toujours dit, Ah bah j'ai dit, ça y est, il est ressuscité. Bah, ressuscité. Parce que moi, je sentais Ah, je me suis dit, bah, qu'il finalement, allait. il a encore une chance. Qu'il allait. En fait, qu'il avait prévu qu'il savait pas, en Et fait. je crois que dès le lendemain, c'est Ouais. le lendemain qu'il y a l'affaire des Des costards arnisés. costards. Des Tout à costards fait. Quand il arnisés. Le commence lendemain. à reprendre du poil Il de la commence à bête, remonter dans les sondages, les gens voient les exactement. images de Trocadéro, Exactement. ils disent, ah bah c'est bon, en fait, il est. Surtout, je crois qu'il avait réussi à. Il y avait Valérie Boyer derrière, il y Ah avait ouais. Malika Sorel-Suter, Ah donc ouais. Ah une intellectuelle assez intéressante, bravo, qui oui, avait bien écrit le sûr. puzzle de Oui. Ah l'intégration, oui, Malika etc. Sorel, j'aimerais Et bien donc, elle écouter était un juste jour. derrière lui, et je m'étais dit, c'est bon, le mec, il est reparti. Et le lendemain, oh, Là, ouais. ça retombe. Parce que je me rappelle que même il y avait sa prestation à France 2 qui était programmée, puis annulé, puis reprogrammé. Reprogrammé, Et ouais. donc je me suis dit, ah tiens, c'est qu'il s'est passé quelque chose, qu'il avait annulé, puis finalement il reprogramme. Et puis je pense c'est devant le succès Du du Trocadéro. Trocadéro qu'il s'est dit. Et puis j'ai senti que ça lui avait redonné. Ben, on le voyait à la Ah tribune. bah vous voyez, il était dopé, Regonflé à bloc. regonflé à bloc, tout son camp était, on va Derrière dire, lui, ouais. derrière lui, les gens Il étaient y à fond derrière avait lui. plusieurs milliers de personnes devant, avec des Voilà, drapeaux français. c'était. Bon, évidemment que ça motive quelqu'un, quoi. Ça l'a complètement. Il est reparti. Alors après, il avait fait l'interview, je me rappelle, avec Delahousse le soir même, Oui. où il a utilisé le mot autisme plusieurs fois. Alors, Oui, les familles en d'autres. France, on ne peut plus rien dire. Ouais, Il s'est mis les les familles associations. d'autisme. Bah, j'ai vu là, il n'y a pas très longtemps, un dessin animé pour gamins, avec un petit lapin, et apparemment, il y a un petit lapin dans le dessin animé, dans le film d'animation, qui décède à cause d'un choc anaphylactique, d'une allergie alimentaire. Et bah, des familles ont écrit en disant, vous vous moquez des gens, des enfants qui font des allergies alimentaires et qui ont des chocs anaphylactiques. Au fou. Non mais Au fou. Au fou. on est complètement dans... c'est Voilà. complètement fou. Et j'ai vu, donc effectivement, puisqu'il avait employé 3 fois le mot autisme, Autiste. des associations de familles de défense des autistes, qui est une maladie très dure, hein, je veux dire, c'est Ouais. extrêmement pénible, et en plus, apparemment, il y en a de plus en plus. Non, on a bien compris que c'est dans le sens adjectif qu'il Voilà, c'était utilisait, l'adjectif, c'était pas c'était pas l'autisme, la maladie, l'autisme, la quoi. maladie, tu vois. Bon. Enfin, Et je te dis, bah, donc, il y a eu le cas de ce film d'animation, là, avec des petits D'accord. lapins, où des gens ont appelé, oui, c'est un scandale, vous moquez des gens qui ont des allergies alimentaires et qui font des chocs anaphylactiques à cause de ça, vous vous rendez pas compte de la souffrance que ça représente pour ces familles. Ça devient très difficile. Ah bah tiens, ça me permet de faire une transition en parlant de parler. Justement, à droite, en ce moment, celui qui s'est fait attraper en train de Oui. parler, c'est Wauquiez. Oui. Wauquiez d'ailleurs sur Fillon. Ah bah, il a l'air d'accord avec nous. Je pense qu'il ne nous contredira pas. Ah Parce que ouais. ce qu'il balance dans le truc, il a l'air de nous confirmer La question tout qu'on ce se qu'on est en train posait de dire. sur avec les amis de Méridien Zéro dans le dernier panneau Actu, Ouais. on se demandait si c'était en fait vraiment si involontaire que ça. Alors, bon, ah bah, tu me l'as enlevé de la bouche parce que j'allais te poser la question. Parce que pour moi, je le sens que finalement, est-ce qu'il n'a pas Magnifique opération bien montée, je pense. super opération comme, Oui, c'est-à-dire, bah je vous évidemment. fais dire ce que je peux pas Pas dire. dire en vous en croire qu'on Et m'a alors, volé quand je me retrouve avec plus de 2 personnes dans la Dans la salle, salle, je sais que tout ce que ce va être rire dit va être va enregistré. être enregistré ou à vocation à être Fantastique. publié. Donc ça, c'est quand même D'accord. énorme. Mais après, moi, j'ai regardé donc l'ensemble des déclarations qu'il a faites. La façon dont il a pulvérisé Juppé à Bordeaux, c'est génial. Franchement, t'as envie de lui dire. Merci, mec. Et puis, tout simplement, il explique que la CGET, la CGPME et le MEDEF se goinfrent de subventions. Ce que tout le monde sait être vrai, le scandale de l'UIMM, c'est exactement ça. Alors, je mets pas le militant de base, hein, entendez-le Bien bien, j'ai été sûr, bien 10 sûr. ans militant à la CGT avant de me faire virer pour les raisons qui font. Bah, j'étais ici, par exemple. On t'a vu sur. Donc ça, c'est ce qui m'a coûté mon éviction. Mon D'accord. expulsion de la CGT s'explique pour ce genre de choses. J'ai été 10 ans militant à la CGT et actif. Donc je sais qu'il y a des gens vraiment qui sont des militants chevronnés, des gens très honnêtes et qui se battent pour le bien commun. Par contre, dans les hautes instances, il n'y a pas qu'un petit scandale à la CGET. Hein. Il y a évidemment le CE2DF, qui est quand même un scandale énorme. Il y a l'UIMM, il y a la RATP. Et là, je parle que de la CGET, hein, mais il y a eu aussi la plupart des autres syndicats ont été évidemment. Bon, je parle de la CGET parce que c'est celui que je connais. Mais évidemment, la CGPME et le MEDEF sont pas les derniers non plus. Donc, en fait, tout ce qu'il a dit, puis je sais plus, il y avait deux, trois autres déclarations aussi. Bah, il dit, bah oui, En fait, évidemment. il disait la vérité, Comment quoi. ne pas être Ça, d'accord, quoi? ouais, quand même, pas être d'accord. Comment ne pas être d'accord, quoi? Bon, il a flingué un peu Sarkozy en parlant de sa parano. Oui, de sa parano qui mettait tout le monde sur écoute. Ce que Ce j'ai. que personne, franchement, Je c'est. serais absolument pas étonné. Voilà, ça n'étonnera Absolument personne. pas étonné. On n'est pas tombé des nues. Ah, mon Dieu, Sarkozy, Et d'ailleurs, écoutez ses ministres. tu remarqueras, c'est. Comme il sait que. Sarkozy bénéficie encore d'une aura incroyable auprès de la base militante des Républicains, c'est le seul élément pour lequel il a présenté des excuses. T'as remarqué? Ah d'accord, oui, Le seul. ah, le seul, Il a d'accord. dit, je me suis expliqué avec Sarkozy, apparemment Sarkozy l'a Ah bah pourri il au a pourri téléphone, la vie, il l'a il a insulté. insulté tous les noms, il a dit, On on m'avait m'a dit que t'étais une t'étais une merde, c'est confirmé, voilà. merde. Et donc apparemment, c'est le. Enfin, c'est pas apparemment. Le seul élément, donc moi j'avais lu le verbatim hein, de l'ensemble des déclarations, la seule pour laquelle il a présenté des excuses, c'est celle-ci. D'accord. Parce qu'il savait que c'était risqué vis-à-vis de sa base militante. D'accord. Et pour tout le reste, il a tout assumé. Il a tout assumé. Tout assumé. En plus, j'ai vu. Non, on poursuivra pas, c'est impossible de savoir qui c'est. Qui c'est? Attends, mon cul, bien sûr, comment ça, vous pouvez pas savoir qui c'est? On retrouve le moindre post sur internet, le moindre truc. Après, s'il avait vraiment été victime d'un enregistrement, entre guillemets, en loose dé, moi je pense que ça lui sera profitable. Ouais. C'est-à-dire dans les deux cas, dans s'il les... n'est pas à l'origine ouais. vraiment, ça lui profite. Je suis pas du tout sûr que ça soit préjudiciable pour lui. Ouais. Notamment, ça va consolider sa base militante parce que ce qu'il dit, en gros, c'est largement ce que pense 99% de sa base militante des Républicains. D'ailleurs, ce sont les gens qui l'ont porté à la tête du parti. Ouais. Et c'était déjà les gens qui avaient voté pour Fillon à la primaire. Parce qu'en gros, les Républicains, ils sont devant un espèce de défi idéologique. De dégager les centristes qui servent plus à rien. Parce que les Oui, centristes, c'est des macronistes. De toute façon, Juppé va partir, tout le monde bon, le bah sait. Voilà, Bussereau est parti après cet épisode, il attendait bah, qu'un prétexte. Voilà. Les NKM, les NKM, attends que ça, les ça s'appelle comment? TFS. Agir, c'est ça? Oui. Agir, je crois. Agir, Ou Libre. Libre avec un S, je sais plus. Ah, je Agir, non, je crois que ça, c'est des macrono-compatibles Voilà. qui ont quitté, en fait, les Républicains autour de Richter. Autour de Richter, Voilà. comment ils s'appellent à l'Assemblée alors ce groupe, Je crois que c'est les Agir. constructeurs, non, c'est Ah, il y a les constructifs. les constructifs. Alors ça, c'est autour de l'autre ineffable... L'ancien de Fillon, qui a planté Fillon Celui qui est d'ailleurs. toujours invité sur AMC, Thierry Soler, c'est Thierry pas... Soler, Voilà, qui a planté Fillon d'ailleurs dans la pleine campagne, Ah, puisqu'il était à la base avec Fillon, et qu'il a planté en race campagne. Oh, c'est étonnant. Oh, C'est étonnant. On sent pourtant l'homme fidèle et loyal. On sent la loyauté, ouais. Non, je crois que lui, c'est un des pires personnages de la politique française, quoi. Ouais, Il est complètement. vraiment... Bah, tous ces gens-là, Vomitif. finalement, ils sont bien qu'ils se débarrassent de Oui, ces gens non, à mais droite, qu'ils fassent de moi la je pense que purge, quoi, tout Wauquiez doit ça. faire le grand. Si Wauquiez. Alors est-il sincère? Ça, c'est une vraie question, hein, j'ai un grand doute. Je crois que Duhamel avait eu. C'est la première fois que je citais Duhamel, hein, profitant, parce qu'il n'y en aura pas 10 comme ça. Avait dit, c'est un giscardien qui essaie de se faire passer pour Pascoyen. C'est pas impossible. Maintenant, le mec, s'il a autant les dents qui rayent le parquet qu'on le croit. Il se dit, je suis prêt à faire ces idées miennes si elles me permettent d'arriver au pouvoir et même à les appliquer, pourquoi pas, si elles me permettent d'y rester. C'est l'avantage parfois des opportunistes. Il est cynique. Et il a très bien compris qu'une partie des positions qu'il défend sont non seulement soutenues dans son camp, mais bien au-delà. Évidemment au sein du Front National pour une grande partie, mais même à gauche. Moi, je suis toujours surpris. Quand il y a des sujets sur des sondages sur l'immigration, l'insécurité, la délinquance, la criminalité, de voir les succès que ces questions-là ont auprès des électeurs du front de gauche. C'est toujours très frappant. Tu remarqueras ça. On se dit, bon, Bah parce qu'ils évoluent sur ces questions-là, même eux, hein. Non, puis c'est des gens, tout simplement, comme je te disais tout à l'heure, ils prennent le métro Ouais, ils aussi. prennent le métro. Il n'y a pas longtemps, je voyais un porte-parole du Front de gauche qui admettait que déjà du point de vue économique, il y C'était une avait armée de c'était, réserve. voilà, que c'était complètement incohérent, Je sais plus c'est-à-dire. comment il s'appelle, d'ailleurs, je crois que c'est un des spécialistes des questions internationales. Ouais. Il est d'origine serbe. Oui, Enfin, j'ai tout à oublié son fait. nom. En tout cas, ça me démontre une espèce Voilà, d'évolution l'évolution. totale. Parce que ça veut dire que si finalement France Insoumise est en train de basculer avec entre guillemets, avec une position qui était celle de Georges Marchais, finalement, Fin 70, dans début 80. 70, début 80, c'est-à-dire qui se positionnait contre l'immigration et pour des raisons économiques, Économique et hein, sociale, ouais. alors, voilà, et sociales, on n'était même pas encore sur la question identitaire, sur la question économique. D'ailleurs, même Mélenchon, quand il était pendant la campagne face à l'anglais sur France 2, quand il lui pose la question de l'immigration, il ne sait pas trop quoi répondre parce qu'il sait qu'il a toujours été fou hein, sur cette question en fait. Et il Il en sait qu'en 2012, son discours du Prado lui a coûté probablement. Alors, il a fait combien? Il avait fait 12, je Ouais, crois, en ah, peut-être un 2012, peu ou moins même, je 10, 10 crois. ou Ouais, 10, 10. ouais, c'est ça. Il avait fait 10. Il sait que c'est ce discours-là qui a coupé son élan et l'excellente dynamique qu'il avait en 2012. C'est ce discours-là. Où il se lance dans une espèce de dithyrambe, d'éloge grotesque. Du multiculturalisme, du mondialisme heureux, du brassage culturel et ethnique. Bam! Alors, il s'est dit en 2017, je vais pas refaire la même erreur, surtout qu'il y a 2015 et 2016 étaient passés par là, et leurs événements extrêmement sanglants. Donc, c'est quand même un type intelligent, donc il a vraiment mis la pédale sur le sujet. Carrément, puis on Vraiment mis la voyait pédale sur le dans sujet. les on voyait Ce très qui bien énervait qu'il beaucoup, d'ailleurs, certains de ces. Des gens qui gravitaient autour de la galaxie, notamment, ouais. je me rappelle d'un Bayou. Un proche des Verts là, qui disait oui en gros si Mélenchon nous fait du patriotard ça va pas aller Voilà, donc on était déjà là-dedans. Hein. D'accord. Et je crois qu'en fait, il est coincé au sein de la France insoumise. On sent qu'il y a quand même pratiquement deux écoles, voire deux factions, quoi. Entre la faction, les anciens de la SPEB, là, le socialisme par en bas, là, Daniel Obono et l'islamo-gauchisme délirant. Et puis des gens bah, comme le gars dont on vient de parler, dont malheureusement le nom m'échappe, là, qui eux sont dans une vision beaucoup plus structurée, beaucoup moins romantique finalement, mais beaucoup plus politique. Et je pense qu'il est obligé de jouer entre tout ça. Et ça doit être quand même très compliqué au quotidien. Parce que moi j'ai l'impression que des fois, quand je pense, tu vois, justement, toute cette branche là, Obono, Raquel Garrido et compagnie, Racaya, ça l'emmerde en fait, Mélenchon, en fait. Il peut pas le Oui. dire Ah, bon, ouvertement, Raquel mais. Garrido, bon, il est tranquille, maintenant, elle est Bon, partie. bah attends, il est parti. Je crois qu'elle ne payait pas ses cotisations retraite d'avocate. Elle ne payait pas ses impôts. Pour. Elle est payée par Bolloré, par contre, pour aller. Non, Mais mais en là, fait, c'est quand même. enfin, moi j'ai l'impression que ça l'emmerdait, Mélenchon, tout Oui, ça, son il n'en truc. pouvait plus. Il en pouvait plus, quoi, de ces trucs-là, mais qu'il est obligé, comme tu dis, de composer, en fait, avec eux. Exactement. Mais finalement, ça l'emmerde, et que bon, s'il pouvait les dégager, il l'aurait fait, mais il peut pas vraiment. Et j'ai l'impression que là, il y a une espèce de changement de ligne. Ils amorcent un virage tout doucement. Et ce que tu dis, dans la campagne, il faut se rappeler que Mélenchon, il sortait les drapeaux français, ce qui n'était pas Sortait le le cas en drapeau français, c'est 2012. En vrai, tout à 2012, fait. ils avaient tous un drapeau rouge, hein, C'est vrai, c'est vrai. et là, c'était T'avais drapeau les ou français. les deux. Ou les deux. Mais Ou les deux. là, pour le coup, c'était flagrant qu'il y avait des drapeaux français dans la Tout à France fait. insoumise. Mais alors bon là, ils ont un nouveau problème là, c'est leur média là. Ah oui, Le fameux... ouais, Alors là, c'est mais une espèce bah, de on va toucher un mot, tiens, pour la fin, justement, quelque leur chose de un média, peu ouais. tragicomique là, j'ai Oui, vu. parce que c'est Donc il y la. a eu Aude Rossigneux là, qui est une fille de deux journalistes du Canard Enchaîné, qui dit s'être fait débarquer salement dans des règles, enfin absolument pas dans les règles. Deux autres sont partis. Alors il y en a un autre, je crois que c'est ma mère qui est partie parce qu'il n'a pas aimé une chronique. En gros, qui ne correspond pas à la doxa sur la Syrie. Puisque le type a dit, bon bah écoutez, à la Ghouta, il n'y a aucun témoignage indépendant. Alors, finalement très mesuré, quoi. Il aurait pu aller même beaucoup plus loin hein, en disant, ben voilà ce que Bachar pilonne, c'est des positions tenues par Al-Qaïda, quoi. Une faction, je crois apparemment, il y a une faction qatari, une faction saoudienne, visiblement, et encadrée par des mecs de la DGSE Encore. et des services britanniques, apparemment. Enfin, en tout cas, avant, je sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais ces types-là, ces factions-là, à la Ghouta, avaient été encadrées par des types de la DGSE, visiblement, et des mecs des services de renseignement britanniques. Donc, bon, mais le mec n'a même pas été jusque-là, tu vois. Et donc, ça a suffi pour qu'il y ait un psychodrame. Pour que ma mère donc parte, il y a une Catherine, une journaliste, une ancienne des CI qui s'appelle Catherine Kirpache, dont la passion, alors je crois que j'avais lu ça, sa passion c'est les migrants et les demandeurs d'asile. Sa passion, oh Chacun ses putain de passions quoi. merde. Chacun ses passions. Et donc elle aussi, bon elle s'est fait porter pâle. D'accord. Il y en a une autre qui est partie. Enfin bon, et il y avait évidemment l'inénarrable Ariane Chemin du Monde qui racontait ça par le menu et par le détail et évidemment avec gourmandise. Tous les problèmes du média de la France Insoumise. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'un des présentateurs du JT, de leur JT, c'est Serge Faubert, c'était mon formateur quand j'étais à l'école de journalisme au CFPJ. D'accord. Qui est un type, en fait, assez mal pensant. Alors, je ne vais pas lui créer de problème si jamais il y en a qui nous écoutent, mais qui est un type assez mal pensant, très drôle. Et je pense que lui, ce genre de truc doit beaucoup, beaucoup le faire rire intérieurement, le connaissant. Souvenir que j'en ai, hein, j'ai. D'accord. C'était en 2002-2004 quand j'étais à l'école de formation. Donc c'était lui qui gérait mon module en fait. Et bon, il était passé par France Soir. C'est lui qui a écrit un livre aussi sur. un livre qui fait référence sur la scientologie en France. Une secte au cœur de la République. C'était lui. Voilà. Et donc bon, j'ai vu que c'était lui qui apparemment présentait un des JT du média. D'accord. Voilà. Donc, et là, ils sont. Bon, Et alors, donc elle est ils ont cette espèce de partie. psychodrame, en fait, qui les plombe. Alors justement, ça devait être quelque chose qui leur permette de rebondir après l'échec de la mobilisation contre les ordonnances contre les ordonnances travail. Ils espéraient se refaire avec ça. Patatras. Donc, bon, après, vu tout ce que l'autre est en train d'enclencher, entre la réforme de la formation professionnelle, de l'assurance chômage, La la SNCF. SNCF, là, je crois que Blanquer a annoncé aujourd'hui qu'il allait y avoir 300 à 400 écoles qui allaient disparaître dans les zones rurales. Voilà. J'ai vu passer un chiffre. Au final, ça serait pratiquement 1000 classes qui vont qui disparaître. disparaîtraient dans les zones rurales. Et dans les zones de grandes agglomérations et villes moyennes, des classes, par contre, se retrouveraient surchargées. Et tout ça s'explique pour une raison, c'est les classes qu'ils veulent diviser par deux dans les zones prioritaires. D'accord. Donc là, c'est vraiment, puisque bon, c'est clairement là qu'en gros on a les populations immigrées, c'est la préférence immigrée qui se fait Oui, alors que les mecs qu'ils ont fait chier avec la préférence au nationale, maintenant détriment c'est des autochtones. voilà, c'est préférence immigrée, quoi, en fait. Moi, j'appelle Ouais, ça au détriment des ouais, indigènes, parce que je ouais. dis toujours, quand j'entends Ourya Boutalja et ses amis du Parti des indigènes de la République, du pire, non, non, l'indigène, c'est moi. C'est moi aujourd'hui l'indigène, c'est pas vous, c'est moi. Et donc voilà, donc c'est clairement la préférence immigrée qui se met en place, quoi. Enfin, elle a déjà lieu dans plein de domaines, hein, prestations sociales, même pour le logement social, ce qu'on appelle pudiquement le logement social. C'est Et comme les quartiers sensibles. comme les quartiers Ou sensibles. les jeunes. Les jeunes, ouais. Une bande de Une bande de jeunes, d'accord. jeunes. Avec 25 guillemets, ou en italique. Et donc j'ai l'impression qu'il est vraiment coincé après ça. Donc est-ce qu'ils vont tenter de rebondir de nouveau, de se refaire avec tout ce qu'est en train de choisir, tout ce qu'est en train de faire sur le plan social Macron? Mais moi je crois pas du tout à une mobilisation en fait. Moi non plus, j'y crois pas du tout. Malheureusement, J'ai l'impression que c'est je le déplore, Macron. hein. Bah, la loi travail, c'était son test. Il a vu ça passer. Moi, je pense que tout Comme une passera. lettre à la D'ailleurs, poste. là, il se dit, bah, je leur fais fournée par fournée. Alors là, on va y aller, même Formation plus. professionnelle, je te dis Allez. assurance chômage. Il met même en cause le paritarisme dans un certain nombre de domaines. Bon, en fait, il contourne les corps intermédiaires, quoi. Et là, j'ai vu, il a même réussi à se mettre à dos les syndicats patronaux et salariés. Et les syndicats de salariés, les deux. Les deux, d'accord. Et bon, visiblement, comme je pense qu'il y a une forme de résignation et d'apathie. Et d'acceptation, en fait. Et alors, il y a quand même quelque chose qu'il faut reconnaître. C'est qu'il fait ce qu'il avait promis et ce qu'il avait dit. C'est là que j'ai envie de dire, on peut pas plaindre les Français. Non, non, On parce peut que pas les plaindre. alors le programme, Il il met en applique ce place ce qu'il a qu'il avait dit. dit. Ouais, tout à fait. J'entends beaucoup de retraités qui se plaignent de la hausse de la CSG et qui disent on aurait préféré une revalorisation des pensions. Bah oui, évidemment, il aurait fallu une revalorisation des pensions. Bah, il fallait voter Marine Le Pen Mais il pour fallait voter Marine Le Pen pour ça. Fallait ça. pas voter Je Macron. suis désolé, hein. Vous êtes contre les ordonnances sur la loi de travail? Ouais, bah il y en avait une qui voulait même revenir sur la loi El Khomri. Pareil d'ailleurs pour les gens qui ont voté Fillon et qui ont voté pour Macron. Oui, ils vont faire l'euthanasie, la PMA et la GPA. Ouais, bah elle voulait revenir sur la loi C'est Taubira, elle voulait ça. l'abroger. Elle voulait l'abroger. Soyez cohérents. Soyez cohérents. Bah, c'est ce que j'ai dit, hein. Je ne ferai pas une manif pendant 5 ans ni une grève. J'en ai assez, en fait, de manifester et de faire grève pour les mauvais choix politiques de mes compatriotes. J'ai déjà fait ça sous Hollande et Sarkozy, c'est fini. Donc cette fois-ci, ça sera sans moi. Ceux qui auront manifesté et faire grève, c'est ceux qui ont revoté pour lui et qui s'en mordent les doigts aujourd'hui, hein. Parce que finalement, nous, on n'est pas surpris. Bah non, nous on sait, on savait ce qui allait se passer. On Donc savait. pour moi c'est le scénario. Moi il applique ce qu'il Il avait dit applique. et puis bon. Alors, sur l'immigration, il est malin. Il sait Oui. que vraiment, les Français sont à fleur de peau sur le sujet. Donc, il feint la fermeté avec Colomb. Je dis bien, il l'a feint, Il hein. a faim. Parce que quand on regarde dans les détails, c'est tout sauf ferme et répressif, hein. Contrairement à ce que tente de nous faire croire, Parce qu'il le fait par les c'est. déclarations, il est Voilà, fort, ce que il est dans tente les de nous faire symboles, croire, Macron. c'est névropathe gauchiste. Mais quand on regarde vraiment dans les détails, c'est faussement répressif. Et par contre, il y a un laxisme incroyable avec le député Aurélien Taché. Tu sais, c'est son fameux fermeté mais humanité, Ah humanité mais fermeté. oui. Non, non, en fait, c'est juste laxisme. Faut regarder dans le détail, là, les propositions de Taché. Il y a, je crois, alors, en fait, on pourra embaucher plus rapidement un demandeur d'asile, par exemple. Un patron pourra embaucher plus Ah rapidement un demandeur d'asile. oui, c'est ça, oui, dans son rapport, oui, Donc, c'est ça, je évidemment, crois. on va encore faire du dumping salarial, hein, avec les fameux emplois. Alors, je crois qu'en Allemagne, il y a eu à un moment, il y a eu des emplois à Oui, les 1,05 wonder de job, l'heure. oui, c'est ça, ouais. 1,05 € de l'heure, ils sont même arrivés à un moment à 85 centimes d'euros de l'heure. Donc je pense qu'on va arriver sur des choses comme ça. Et il y a également prévu que les condamnations seront beaucoup moins lourdes pour des patrons qui embauchent des clandestins. Donc là, évidemment, le BTP et la restauration est ravi, hein. Ah bah ils sont contents, Et d'accord. l'hôtellerie, là, ouh! Non mais c'est Fiesta! extraordinaire quoi. En fait on leur Fiesta! donne un blanc-seing quoi en Ouais, c'est fait, ça. c'est ça. Et puis on va assister aussi, moi je pense, au démantèlement encore plus rapide du service public. Je pense que par exemple, dans le cas de la SNCF, ils promettent qu'ils ne fermeront pas de voies ferrées, de lignes, Évidemment qu'il y a plein de petits bleds Qui vont fermer. qui vont perdre leur C'est bois prévu, ferré. c'est prévu, c'est prévu. Il y a beaucoup de gens qui se disent, bon, le statut des cheminots est hors d'âge, c'est caduque, obsolète aujourd'hui, ce n'est pas défendable. J'ai envie de leur dire, si on attaque le statut, on attaquera la SNCF en tant que telle. C'est la boîte de Pandore, en fait. On met un doigt dans l'engrenage, donc il ne faut pas y toucher. Et j'ai envie de dire, ceux qui présentent les cheminots comme des privilégiés, j'ai juste envie de leur dire, allez regarder une fiche de paye de cheminot. Ouais. Vous Voilà. Il verrez y en a beaucoup qui ont circulé en ce si ce moment. sont des Alors. privilégiés. Et ceux qui disent ça, d'ailleurs, généralement, c'est le gros média, ce sont les médias dominants. Alors moi, j'ai envie de leur dire, si vous estimez que les cheminots sont des privilégiés, très bien. Donc vous, on va vous retirer votre abattement fiscal de journaliste que rien ne justifie, et plus un euro de subvention accordée à la Public, ouais. presse. Plus un euro de Et dis en subvention publique. plus, tous ces médias-là, justement, qui nous expliquent, parce que moi, je vais en recevoir en plus des cheminots dans pas longtemps, qui nous expliquent, bah oui, ce sont des privilégiés, mais eux, combien ils gagnent pour présenter un BFM? Bon, on devrait bien voir les fiches de salaire des Non mais attends, journalistes ce qui est très aussi. drôle, c'est quand tu entends des types cadres sup dans le tertiaire, à la défense, dans les assurances ou dans les banques, donc les mecs qui généralement mettent des économies par terre, spéculent comme des cinglés, ou dans certaines boîtes de consulting, voire même dans des filiales d'agences de notation, te disent, ouais, non, c'est quand même, ces mecs-là nous font chier. Je t'assure que non, dans la vie de tous les jours, c'est pas les cheminots qui nous font chier. Toi, par contre, beaucoup plus. Ouais. Surtout que les cheminots, il faut préciser aujourd'hui SNCF, et ça on en reparlera dans l'émission, mais tu sais que les budgets de sécurité d'entretien sont Entretien été à la baisse, à la baisse. que on est en danger en prenant le train en Bien France, sûr. ça c'est la première Et chose. ils ont tout privilégié Ouais. aussi sur le TGV. Oui, tout à fait. Ouais. Au détriment des trains de banlieue, par Mais oui, exemple, ou des mais tout à corrails. fait, mais sauf qu'en plus, dans cette affaire, ce qu'on n'explique jamais, mais ça, j'en aurai l'occasion justement d'en reparler, tu sais que les mecs se gavent sur notre dos, les Ouais. De Les Vinci, devas. Et face, bah comme pour les autoroutes. les voilà, comme pour Comme les pour les autoroutes, autoroutes. ils payent, vous avez chaque train qui passe, en fait, vous payez par exemple la ligne qui a ouverte là entre Paris et Bordeaux, qui est ultra rapide de LGV, et ben ça a été ouvert avec des fonds grâce à Vinci, avec machin, et tout ça. C'est vous qui payez, les trains, ils doivent payer à chaque train. C'est quand même incroyable. Donc vous êtes taxé par ces gens-là alors qu'on n'a pas besoin de ces gens-là pour construire des trains, quoi. C'est quand même c'est incroyable. On dira jamais assez. Je crois que la privatisation des autoroutes, c'était Villepin qui l'avait C'était décidé. Villepin, oui. Le scandale Ouais. absolu que c'était, alors que les Français avaient quasiment fini de payer. Oui. C'est-à-dire que les autoroutes allaient commencer à nous rapporter. Ils allaient commencer à rapporter à la collectivité. Incroyable. Incroyable. Et au même moment, on décide par contre sur les routes secondaires de faire baisser de 90 à 10, ouais. 80. Et puis à un moment donné, il y a une même question de péage sur la route secondaire. Mais On y a juste sur la échappé, route mais secondaire. ça peut ressortir à tout moment, faut pas Bon, s'inquiéter. Hein, comme les portiques écotaxes, apparemment, il y en a, ça les titille de nouveau d'en remettre. d'en remettre. Bon, bah écoutez, les bonnets rouges, hein, les gars, Ça risque de au travail, hein. réapparaître. Bah écoute, merci Merci Maurice. Topa, Hein, ouais. bah Un merci. plaisir comme toujours, hein. Bah voilà, Un très grand merci. plaisir. Actualité à rappeler, on en profite de ton côté. Bon, bah Non. les chroniques sur Méridien Les Zéro, chroniques Méridien Zéro à les suivre. émissions avec les amis, voilà. Voilà. Bon bah. La routine. La routine, bah super, merci beaucoup à vous, merci à la régie qui nous regarde, merci aux modérateurs et aux métanautes. J'ai pas pu prendre beaucoup de questions, mais je prendrai la prochaine fois. De toute façon, voilà, vous vous connectez sur le Discord pour ça. Et puis, on va s'habituer au fur et à mesure à ce que vous preniez l'habitude d'aller sur le Discord. Sinon, on se retrouve jeudi pour une émission en solo. Et en attendant, forcément, si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes un petit peu quand même la résistance. Bonne Ciao, soirée à tous. ciao, ciao. La résistance, ça va, hein. La résistance, ça va.